Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Et oui, mesdames et messieurs, Michael Michaud, votre animateur, toujours content d'être là, à l'écoute avec vous au micro. Et cette semaine, une autre grosse émission, une très grosse émission en fait, parce qu'on a plein de collaborateurs avec nous aujourd'hui. Je vais commencer par saluer M. Andrew Castegan à la console. Bonjour Andrew. Bonjour M. Michaud. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Alors, ça va être tranquille pour nous cette semaine. Fatigué. Ouais, on a une grosse semaine pour toi. Ouais, parce que j'allais dire une grosse semaine pour nous, j'allais dire. Ouais, non, moi c'est plutôt tranquille de ce côté-là. Mais toi, tu dois avoir le bras fatigué, force de boire de la bière sur les terrasses. Ben, c'est ça, je vais faire. Tu t'entraînes pour la semaine prochaine, à vous. Hein. C'est ça, je vais faire un petit tour du côté du corsaire. En fait, on est allé faire un petit tour du côté du corsaire tantôt. Ouais, mais toi, t'as pu prendre un verre de plus que moi. Ouais. Parce que moi, j'étais occupé à faire des téléphones importants. C'est en plein, ça. Je travaille, moi. Bref, on peut se rendre compte qu'Andrew va très bien. Mais là, on dira pas grand-chose, nous, aujourd'hui, Andrew, parce qu'on a plein de collaborateurs à l'émission cette semaine. Entre autres, on a M. Pierre-Luc Pelletier, notre expert en sécurité informatique, qui va venir nous parler en début d'émission. Il va venir nous parler, en fait, de la mort de l'antivirus. En tout cas, vous allez comprendre pourquoi, pendant sa chronique, on en parle, lui et moi, tranquillement, comme ça. Mais on a aussi M. Diego Lamana, qui est en studio avec nous. Salut Diego, ça va bien? Ça va très bien, merci. Bonjour. Et là, tu vas nous parler de vous savez bien, là, pour les habitués, que Diego, habituellement, n'est pas en studio. Il est habituellement au téléphone. On fait ça via Skype, moi puis lui. Je fais ça en pré-enregistré. On a la chance de l'avoir en studio live avec nous autres. Bienvenue à Lévis, monsieur Lamana. Oui, deuxième présence à l'émission, première dans ses studios. Yes, et là, tu vas nous parler de quoi cette semaine? Je parle de deux documentaires sur le jeu vidéo, principalement sur les joueurs de jeux vidéo de compétition, Free to Play sur Dota 2 et King of Kong sur Donkey Kong. Excellent, mais justement, on est en période de série éliminatoire au hockey. On va parler de jeux professionnels au niveau de jeux vidéo, très intéressant. Et on a aussi M. Julien Materne avec nous. Comment ça va, Julien? Salut tout le monde, ça va bien? Et là, on va parler comic books cette semaine. Et là, on va faire un petit spécial, si j'ai bien compris, sur un personnage, mais à la fois des plus intéressants et des plus bizarres aussi dans l'univers du comic book américain, M. Deadpool. Oui, parce que je tiens mes promesses, hein, Endo? j'avais dit que je ferais ça, quoi, là, maintenant un mois et demi, deux mois? Ben, t'étais supposé faire ça au mois d'avril. Mais ouais, là, vu que tu déménageais... Étant donné que je suis un homme occupé... C'est ça. Chronique Deadpool aujourd'hui, oui, effectivement. Excellent. Bon, on va t'avoir en deuxième partie d'émission pour ta part, Julien. Mais bien évidemment, toujours bienvenue pour commenter tout au long de l'émission. On vous rappelle rapidement, mesdames et messieurs, que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez écouter nos anciennes émissions, podcasts et autres entrevues. Rendez-vous également sur Facebook, Puissance Maximale, dans la barre de recherche. Vous allez nous trouver très facilement. Suffit de taper Puissance Maximale, comme je viens de dire, et vous allez nous trouver facilement. Et partagez cette page auprès de tous vos amis. Et là, en même temps, je profite, mesdames et messieurs, pour vous parler d'un concours qu'on a fait, qu'on veut faire. Enfin, on a eu un petit problème technique la semaine dernière. On est malheureusement, on n'a pas pu mettre l'émission à temps pour le concours. Donc, on relance le concours avec Madame Pig Vivi. Ce soir, je vais poster une image, plus demain avant midi, en fait, une image sera postée sur la page Facebook de Puissance Maximale. Et en la partageant et en ayant liké la page de Pig Vivi et celle de Puissance Maximale, vous courez la chance de gagner un sac avec des petits goodies, là, des petits signets, macarons et autres trucs du genre à l'effigie de différents héros de jeux vidéo et d'univers geek. Donc, il suffit de faire ça pour avoir la chance de gagner et vous avez jusqu'à mardi prochain pour participer. Le gagnant sera bien entendu dévoilé lors de l'émission de la semaine prochaine qui sera, préparez-vous, là, ça va être une grosse réémission parce que la semaine prochaine, le 28 mai, c'est mon anniversaire et c'est celui de M. Julien Materne également. Yay! Tu pourras passer, Julien, c'est le spécial bière la semaine prochaine. Ça tente de passer pour qu'on puisse célébrer ensemble notre anniversaire. Encore plus, yay! Tu passeras, tu seras le bienvenu. Et voilà, c'est lancé. Donc, tout simplement, allez aimer la page de Puissance Maximale et partagez-la auprès de vos amis. Voilà, c'est dit, mesdames et messieurs. Et comme le veut la tradition à Puissance Maximale... Michael sera fusillé à l'aube. Ouais, ben en fait, je me rends compte que oui, parce que j'ai pas fait ma liste de chansons. Elle n'est pas enregistrée. Donc, on va y aller... un peu, toi, t'as les... Moi, j'avais The Way of the Sword. Ben, on va commencer avec ça, monsieur. Way of the Sword avec le groupe Power Symphony. On vous envoie ça dans vos oreilles à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis. 50% talk, 50% musical, 100% Lévis. CJMD 96.9, l'alternative radiophonique. Just begun for a glory wish. there is much to sacrifice. So many farewells, many tears you must shed before your journey ends. Oh, it's only just begun. For a glory wish, there is much to messieurs, il est temps d'une autre chronique sécurité informatique avec M. Pierre-Luc Pelletier. Comment ça va, Pierre-Luc? Ça va très bien, toi-même? Ça va très bien. Et là, cette semaine, on va parler d'un truc, c'est un peu inusité là, comme sujet provenant d'un expert en sécurité comme toi. Mais tu m'arrives là en me disant que l'antivirus est mort. Ouais, en tout cas, c'est pas mes mots. Faut dire que déjà, ouais, faut que ça soit clair. C'est un certain Brian Dye qui est VP senior chez Symantec, donc c'est vraiment pas n'importe qui. Symantec est bien sûr une entreprise d'antivirus. Donc c'est pas anodin que ça vienne de chez Symantec. Donc ça peut paraître vraiment surprenant de la bouche de cette personne-là, parce que c'est leur industrie, mais c'est carrément la réalité aujourd'hui qu'on peut voir nous en tant que professionnels, parce que nous en fait depuis des années il y a un développement de l'approche qu'on appelle sécurité en profondeur, c'est-à-dire mettre des couches et des couches et des couches de sécurité pour être certain que toute attaque soit arrêtée à l'une ou l'autre de ces couches-là. Donc, pour être certain que ça s'arrête avant d'arriver à son but. La défense, c'est ça. La défense est beaucoup plus compliquée que l'attaque. Donc, vous aurez compris, parce que ça prend... En fait, si on a juste une couche, il faut juste réussir à contourner cette couche-là, puis ça y est, on est rentré. Parce que là, avant, les gens disaient, moi, j'ai un bon antivirus ou j'ai un antivirus connu. Puis ça les rassurait dans leur tête en disant, mon ordinateur est en sécurité, j'ai pas de problème. Mais là, il y a autre chose que les virus informatiques maintenant. Puis même, il y a d'autres genres de logiciels qui sont spécialisés dans d'autres genres d'attaques aussi. Ouais, c'est ça. Il y a toutes sortes d'attaques. Puis on est un peu obligé de faire du cas par cas. Question de sécuriser, de faire la défense de notre périmètre. Donc c'est pas, on voit ça un peu comme un château si on veut, avec plusieurs murs qui seraient donc chacun aurait peut-être ses faiblesses, mais surtout ses forces, et qui arrêterait un certain type d'attaquant. Donc un exemple, par exemple quelqu'un qui essaierait d'attaquer un site web, il va déjà passer par un pare-feu, donc ça va arrêter tout ce qui n'est pas du trafic web. Ensuite ça passe, en fait le client se connecte directement sur un ce qu'on appelle un web application firewall, donc pas directement sur le serveur web lui-même, mais par un intermédiaire qui lui sert à analyser le trafic, puis s'assurer que ce soit juste ce qui est vraiment bien, en fait, des bonnes requêtes, des requêtes okay. Standards. Ensuite, là, ça rentre, on arrive vers le serveur web, puis là, il y a effectivement l'antivirus qui est là, et toutes sortes de sécurisation donc sur la machine en tant que telle. Donc, c'est le genre d'approche là, qu'on essaie d'avoir, mais on est obligé d'avoir ça sur tout, en fait, de tous les côtés. C'est un peu, ça devient compliqué. Ben c'est ça, il y a de la sécurité au niveau de votre fournisseur Internet, par exemple, là, mesdames et messieurs, mais vous devez aussi faire votre part du côté, parce que vous êtes une porte d'entrée, finalement. Ouais, la couche la plus importante, ça reste toujours l'humain, mais c'est sûr que, bon, votre fournisseur est là en partie pour ça, puisqu'il va peut-être bloquer des adresses IP qui sont connues comme étant des adresses IP qui attaquent ou qui font des scans, donc qui essaient d'attaquer chaque IP une par une, pour essayer de trouver des vulnérabilités ou des ports qui répondraient, des machines qui répondraient. Donc, il y a toute une panoplie, même si vous en rendez pas compte, pour vous sécuriser, vous, votre webmail, tout ça. Donc, là, l'antivirus, là, Pierre-Luc, là, on parle que c'est un moyen, en fait, c'est le moyen le plus connu, je crois, là, au niveau de monsieur, madame, tout le monde, là, pour défendre son ordinateur contre des attaques de virus, mais comme on a dit, il y a d'autres choses. Mais les conceptions et le développement des antivirus, ça a vraiment été comme une course aux armements. Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est toujours le cas. Donc, aujourd'hui, on est rendu vraiment loin dans la course à l'armement, si on veut, mais l'antivirus, au départ, c'était justement, c'était un antivirus, c'est-à-dire que, en fait, le terme virus est un peu utilisé à toutes les sauces, mais un vrai virus, c'est, par exemple, ce qui se promenait là, sur les disquettes dans le temps. Donc, oui. C'est vraiment la première forme, si on veut, des virus et des malwares en général. Donc, ils se propageaient, oui, mais uniquement lorsqu'il y a une action humaine. Ouais, c'est okay. Ça. Donc, de se promener de machine en machine avec les disquettes. Telle une vraie maladie, finalement, là. C'est ça. Donc, il fallait qu'il y ait vraiment un contact puis action humaine. Ensuite, bon, c'est sûr que les antivirus ont été créés. Donc, ils détectaient... En fait, eux devaient disséquer, vérifier c'est quoi ce virus, qu'est-ce qu'il fait, puis créer une signature pour empêcher que ce virus-là... pour le détecter puis le supprimer, en fait. Donc, de là, les hackers ont réagi. Donc, en fait, eux, ils ont commencé déjà à être plus nombreux, puisque avec la démocratisation de l'informatique, tout ça, le nombre augmentait énormément, donc ils étaient plus productifs. Donc, puisque, bon, il y avait le phénomène de mode, là, où dans le temps, les hackers faisaient ça un peu juste pour se prouver, donc ils essayaient de faire meilleur que le voisin. Donc, il y avait vraiment un flot de plus en plus, un flot vraiment croissant de virus. Ben c'est ça, les pirates à l'époque, il y en avait qui répondaient, disons, aux antivirus puis ces affaires-là, mais il y avait aussi cette compétition-là à l'interne, si on peut dire. Ouais, c'est ça, c'est un peu dans l'underground, dans leur monde à eux. Maintenant, c'est sûr que c'est quelque chose qui est beaucoup moins présent, puisque ce qui pousse j'allais dire l'industrie du virus, c'est pas vraiment une industrie, quoique, mais c'est vraiment l'argent. Il y a vraiment de l'argent à faire pour les gens qui sont extrêmement motivés, prêts à prendre des risques. Ça peut même remarquer par des industries par l'industrie, justement, puis les recruter pour combattre. Il y a des phases pour ça. C'est-à-dire que il y a deux façons de se faire recruter. C'est-à-dire que on peut rester toujours du bon côté, puis après on peut tomber dans le vice un peu, puis se faire recruter. Maintenant, ça se fait beaucoup moins, okay. Parce que les gens ont de plus en plus de difficultés, puis c'est logique aussi de faire confiance à quelqu'un qui qui, il n'y a pas si longtemps que ça, volait d'autres gens, volait l'argent d'autres gens sur Internet. Donc, c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins populaire. En tout cas, moi, j'aimerais pas ça engager quelqu'un qui a déjà été un vrai hacker. J'aurais pas confiance. Puis là, en plus, là, comme on parlait tantôt dans le contexte dont on parlait tantôt de compétition entre les hackers à l'époque, c'est que le nombre de virus a vraiment beaucoup augmenté, là. Ouais, c'est ça. Donc, les antivirus, en fait, les compagnies d'antivirus devaient trouver plus des approches globale pour essayer de détecter même les nouveaux virus, donc avant même qu'ils créent des signatures. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse heuristique. Donc c'est une analyse générique du programme pour voir ce qu'il fait, puis en déduire si c'est un virus ou pas, ou si c'est un code malicieux, donc, okay, au sens large. Par exemple, ça peut être un verre aussi. Un verre, c'est comme un virus, mais qui n'a pas besoin de lui-même pour se propager. Il rentre dans l'ordinateur, il s'auto-exécute, il essaie de se propager sur d'autres ordinateurs, et c'est un cycle sans fin. Donc, ça aussi, c'est le genre de choses qu'on veut, bien sûr, détecter, puis éradiquer le plus rapidement possible, parce que ça peut vite mettre un réseau à genoux. La parade des hackers à ce moment-là pour parer à cette analyse heuristique-là, se sont mis à chiffrer leur code. C'est-à-dire, okay, que c'était impossible d'analyser avec les moteurs d'analyse heuristique, puisque c'était chiffré. Donc, aucun moyen de voir c'est quoi le vrai code qu'il y a derrière. Donc, à ce moment-là... C'est vraiment crypté à ce moment-là, là, impossible à détecter, mais surtout, disons que finalement la clé finit par être détectée, suffit de la changer. C'est ça. Donc, à partir du moment où on change la clé, ça paraît comme carrément autre chose. On n'a aucune idée de savoir, on peut pas analyser ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est à recommencer à chaque fois. Donc après, c'était une course, c'était pas vraiment une course, c'était même très facile pour les hackers de changer ultimement une fois par jour. Il crée un virus, mais il change une fois par jour la clé. Puis ça rend impossible l'analyse par signature de ce virus-là. Donc on allait vers ça. Donc la réaction, à chaque fois, on est toujours dans une optique de course à l'armement. Donc la réaction de l'industrie à ce moment-là, ça aurait été de créer ce qu'on appelle du sandbox dans l'industrie, ou du bac à sable en français. Donc c'est-à-dire qu'on lance carrément, on exécute dans une boîte hermétique, c'est-à-dire qu'elle pourra pas être... le virus, même s'il est exécuté, il pourra pas sortir de cette boîte-là. Donc, on regarde comment il se comporte. On essaie de voir s'il essaie de se rendre persistant sur la machine. On essaie de voir s'il essaie de se propager à d'autres machines. Donc, et en plus, on peut détecter... lorsque le virus est exécuté, bien sûr, pour s'exécuter, il doit être déchiffré. Donc, peu importe la clé qui est utilisé, une fois déchiffré, c'est le même code ou à peu près. Donc, à moins que le hacker, lui, ait modifié un petit peu son virus, mais ultimement, ce sera ressemblant. Donc, on peut faire des comparaisons à ce moment-là entre un virus connu puis un autre virus qu'on voit qui est chiffré avec une autre clé. Une fois déchiffré par mémoire à l'exécution, on peut les comparer puis en déduire, ouais, ça c'est le même virus que ça, même si la clé utilisée pour le chiffrement n'est pas la même. Donc ça a été vraiment une avancée. Là, faut dire qu'on sort du giron, en guillemets, de l'antivirus. Ça s'appelle plus un antivirus, c'est vraiment une machine à part, dont le but est d'analyser, de faire exécuter ce programme-là. Donc, l'antivirus, il est battu à ce moment-là. On pourrait même dire, là, écoute, je t'entends parler, Pierre-Luc, là, des antivirus, justement, avec... on arrive au niveau du bac à sable où l'ordinateur va finalement, à l'aide de ce programme antivirus-là, analyser les différents virus. Les consommateurs deviennent aussi des fournisseurs d'informations pour les compagnies. On est en première ligne de cette guerre-là. Ouais, exactement. Donc, de plus en plus, il y a beaucoup de retours, en fait, de la part du client vers la compagnie d'antivirus. Donc, on a de plus en... En fait, le but, c'est de rendre le plus rapide possible la détection puis le déploiement de la solution à tous les autres clients, en fait, de la compagnie d'antivirus. Donc, c'est vraiment un jeu de vitesse, là, à ce moment-là. Mais là, est-ce qu'on comprend un peu comment ça a évolué avec ton exposé, Pierre-Luc? Mais comment on pourrait conclure ça par rapport à ce qui a été dit par M. Brian Dyle, justement, le VP senior dont tu nous parlais au début de ta chronique? Il nous dit que l'antivirus est mort. En fait, ce qu'on pourrait comprendre à ce qu'il a dit, c'est que l'antivirus tel qu'on l'a connu est mort, et maintenant on se retrouve avec, disons, une machine de guerre beaucoup plus complexe qu'on avait avant. Ouais, c'est-à-dire que l'antivirus devient la dernière défense. En fait, tout gravite autour, oui, c'est comme la première pierre, si on veut, de notre sécurité. Mais il y a toute une panoplie d'autres choses pour éviter d'en arriver là. Puis donc que ce soit détecté le plus au début de l'attaque, donc et essayer d'éviter que même le malicieux se rende jusqu'à la machine. Donc on stoppe ça le plus vite possible et on essaie de garder ça à l'extérieur de notre périmètre, donc à l'extérieur de notre réseau à nous. Et donc ça veut pas dire que il faut pas avoir d'antivirus, bien sûr. Ça veut dire que l'antivirus n'est pas tout. On vient toujours à la même conclusion, c'est-à-dire que l'humain donc devient une de ces couches de sécurité dans ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, la sécurité en profondeur. Ce qu'on essaie finalement de nous faire comprendre, c'est que avant, l'être humain était la cause, mais aussi la première ligne de défense face au virus. Mais maintenant, on essaie peut-être, en plaçant toutes ces mesures-là, justement, en couche de défense, peut-être d'éliminer un peu le facteur humain dans la propagation, puis finalement, on devient le dernier bastion pour notre machine. Ouais, au maximum, parce que c'est prouvé que de toute façon, l'humain est le maillon faible. Donc, il faut essayer de contourner et de détecter avant même qu'il y a une décision humaine qui soit prise. On repousse au maximum le plus loin possible. On essaie de détecter le plus tôt possible pour éviter d'en arriver là. Excellent. Écoute, Pierre-Luc, encore une fois, un exposé, ma foi, des plus éclairants. Très gentil d'avoir partagé ça avec nous. Puis encore une fois, on va rappeler aux gens de toujours être très prudents lorsqu'ils sont sur Internet et bien évidemment d'avoir un antivirus à jour et complet, même si son utilité a changé au cours des dernières années. Voilà, exactement. J'aurais pas pu dire mieux. Ah, c'est bon, merci. Merci beaucoup, Pierre-Luc, puis à la prochaine. À la prochaine. À CJMD 96.9, la gauche et la droite, c'est des directions. Nos animateurs n'interviennent pas dans les médias de masse et nous ne sommes affiliés à aucun parti politique. CJMD 96.9, intellectuellement libre. CJMD 96.9. Excuse-moi, c'est une mauvaise blague. Au rond-point des villes, il y a l'île. De brillantines autour, bref, autour, on la divile. Moi, gentil, je parle de brillantine, pas de l'île. L'île, elle est ville, mais pas brillantine, bien que l'île. La rampe de ville devant son miroir, elle s'habille. Ce mec, il sort sur le trottoir, fait sa fille. Très gentil, elle bosse tous les soirs, 6 heures pile. Et Sainte-Catherine et moi, je fais la voir, elle me grille. Elle me ruine la brillantine. Salope et bile, la brillantine. Mais j'suis mieux que toute la racaille qui défile dans sa cabine. La racaille qui défile dans sa cabine. Aujourd'hui, hier aussi, de midi à minuit et demi, aucune trace de ma jolie, je tiens plus en place. Elle est partie. Non, c'est pas vrai. Si. Je déprime, je ne chante plus, cherche du travail à l'usine et une copine. Puissance Maximale vous présente la chronique académique. Et oui, le retour à Puissance Maximale. Après, on a entendu Pierre-Luc qui nous a parlé d'antivirus. On a entendu The Way of the Sword, The Power Symphony. Et aussi, maintenant, là, on en revient tout juste, Briantine de Keith Kuna. Et là, il est temps de parler avec M. Diego Lamana et sa chronique académique. Comment ça va, Diego? Ça va super bien. Et là, comme on a dit en intro, on va parler de documentaires, de films sur, sur des joueurs professionnels, en fait. Deux films, Free to Play. Oui, on va commencer par Free to Play, un film qui est sorti récemment. En fait, c'est la dernière chronique. J'ai fait une chronique sur les documentaires sur le jeu vidéo. Oui. Et j'ai complètement oublié le deuxième que je vais parler, King of Kong. Et le sujet a été réactualisé avec la sortie de Free to Play, qui est un documentaire produit par Valve, donc la compagnie derrière Steam, sur leur jeu Dota 2. Donc, on suit le parcours de trois joueurs durant la grande compétition, l'International 2011, qui avait le prix, c'était un moment historique dans l'histoire du e-sport, c'est qu'il y avait $1 million pour le gagnant. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le e-sport, là, on parle de sport... physique, très exigeant. Oui, c'est ça. Syndrome du tunnel carpien, ben, un peu comme... Un peu autant que les dards. Oui, c'est ça. Mais bref, on parle de jeux vidéo professionnels, donc des gens qui s'affrontent en compétition. En 2011, c'était autour de 25 000, 50 000 que les gagnants pouvaient aller chercher. Donc là, un tournoi où les gagnants, 5 gagnants, se partageaient $1 million, c'était immense. Donc, on suit trois personnes dans la préparation et au tournoi d'International qui avait lieu à Cologne en Allemagne. On suit, c'est ce qui est vraiment intéressant avec ce documentaire-là, c'est qu'il suit trois joueurs de trois univers de jeux complètement différents. Donc, un Asiatique, un Européen et un Américain. Ah, ça, c'est intéressant parce qu'on a souvent, quand on regarde les compétitions, moi, j'aime regarder StarCraft 2, les compétitions qui se donnent, j'aime bien ça. On voit souvent les joueurs asiatiques, leur façon de jouer. Mais j'avoue que du côté justement nord-américain puis européen, là, c'est intéressant de voir le point de vue aussi. Oui, donc de couvrir ces trois personnes-là nous permet de voir l'état de la scène du sport, du jeu vidéo sportif à travers le monde. Donc c'est sûr qu'on suit d'abord Benedict Lim, qui son nom c'est II ou II, qui vient de Singapour. Okay. Donc lui, on voit qu'il vient dans une nation qui est vraiment essentiellement axé sur ce sport, sur cette activité-là, que ce soit StarCraft, Dota, League of Legends, même les Street Fighter, les jeux de combat, un contre un. C'est extrêmement populaire là-bas. Ça joue à la télévision, ce qui ne se fait pas en Amérique du Nord ou en Europe. Donc, pour le côté asiatique, on voit que c'est une culture qui est grandissante. De l'autre côté, t'as l'Américain qui est un peu vieux. Il n'a pas notre âge, mais il est déjà proche de sa retraite. Clinton Loomis, surnommé Fear, de l'équipe Online Kingdom. Lui, c'est vraiment le vieux joueur. Donc, tout le monde a peur de lui, vraiment, okay. parce qu'il connaît tout du jeu. De A à Z. Donc, c'est un... Tu dis vieux, là. Non, c'est ça, il n'y a même pas notre âge. Non, c'est ça. Il n'y a pas 30 ans. On rappelle aux gens que c'est ça. Moi, j'ai 30 ans. Puis... Je ne sais pas son âge exactement. Vieux. Mi-vingtaine, probablement. Disons, un vieux de ce jeu-là. C'est oui, un expérimenté. Mais semble-t-il qu'après 25 ans, on est sur le déclin dans nos capacités. Moi, ouais, j'avais lu un article là-dessus. Ouais, compétitif, là, en jeu vidéo. Donc. Bon, ben, on est déjà. C'est déjà la fin pour à peu près tout le monde qui est ici. Moi, si ça fait un bout, c'est game over. Non, c'est clair. Ouais. Hein? Ouais, moi, je viens de commencer à Dota et j'ai déjà repris ma retraite. Bon. Je ne remettrai plus mon Counter-Strike, je pense. Non. De peur de me faire piler d'en face. C'est fini ce temps-là, Julien. Et il y a aussi le troisième. Oui, finalement. Sinon, c'est ça. On voit qu'aux États-Unis, c'est en émergence, mais c'est encore quelque chose qui est très underground. Right. En Europe, c'est à peu près le même état que les États-Unis. Par contre, l'un des problèmes principaux qu'on voit avec son équipe, c'est Daniel Ishutin Dandy, qui est ukrainien. Le problème avec son équipe principalement, c'est qu'ils sont multinationaux. Donc, il y a plusieurs langues maternelles de base. Donc, l'ukrainien joue avec un finlandais qui joue avec un français. Donc, il se parle en anglais, mais il y a toujours un peu de loss in translation. C'est tandis clair. Que les Chinois jouent en chinois, les Coréens jouent en coréen, les Américains en anglais. Donc, ça amène, on voit vraiment les différences. Donc, ce qui est vraiment intéressant aussi avec d'un point de vue personnel, c'est les histoires. On voit vraiment trois histoires fort intéressantes et ils nous amènent aussi à voir les effets du jeu compétitif sur ces personnes-là et sur leur famille. C'est quoi l'importance pour eux d'aller gagner 1 million? Parce qu'on se le cachera pas, c'est pas des gens extrêmement populaires à l'école, sont assez jeunes, autour de 17 ans. Celui de Singapour, il lâche carrément l'école pour aller aux compétitions. Ouais, quand on dit qu'en Asie, c'est le jeu, c'est sérieux, là. Ouais. C'est effectivement vrai, puis ça peut aller jusque-là. Puis en Corée, spécialement en Corée du Sud, là, on voit des trucs. Habituellement, quand on voit des trucs de jeunes qui se retrouvent à l'hôpital parce qu'ils ont joué trop longtemps, ça vient souvent de nouvelles de la Corée. Fait que quand on dit que c'est sérieux en Asie, là, c'est vraiment une autre game qu'ici. Oui, effectivement. Donc c'est ça pour lui. Mais ses parents ne sont pas nécessairement d'accord avec ça, mais comprennent. Il y a aussi son lien. On voit l'évolution personnelle aussi. Donc c'est ça le. Celui de Singapour qui manque toute sa session d'examen. Il y a aussi la relation avec sa blonde, avec qui il jouait beaucoup à Dota 2. Là, il essaie de la reconquérir par le jeu. Ah. Donc, pour lui, la victoire va peut-être donner une raison d'aller lui reparler. Donc, on suit ça. L'Américain, c'est par rapport à sa mère, qui est monoparentale. Lui, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Il joue sur un vieil ordinateur, un vieil écran. Écran cathodique? Un écran cathodique, un gros écran. Il n'y a même pas de bureau pour mettre son écran. Okay. Il joue sur une vieille commode réamanchée. Puis pour lui, gagner la 10e place, ce serait incroyable. Il pourrait commencer à considérer construire au moins une chambre pour lui, parce qu'il habite encore chez sa mère. Puis finalement, l'Ukrainien, on voit, c'est ça, sa relation avec son père qui vient de décéder. Donc, c'est vraiment... On va au-delà du jeu puis de la compétition. On essaie de voir... Oui. On va vraiment dans les vies de ces personnes-là puis voir les effets. Et donc, ça rajoute vraiment une certaine émotion. Oui. Là. C'est très émouvant comme film, surtout à la fin. Là, parlons plus du jeu en tant que tel à l'intérieur de ce documentaire-là. Le documentaire est parfait pour celui qui ne connaît pas beaucoup Dota. Ah, ça va être bon pour moi. Oui, c'est ça. Donc, c'est un... Pour ce qu'on peut appeler les noobs du jeu, ça serait vraiment idéal parce qu'il explique d'une manière simple. Mais si on a joué une dizaine de parties... ou une vingtaine de parties, les explications deviennent un peu simplifiées, très simplifiées, surtout à la fin, quand il monte des scènes de combat, on comprend pas pourquoi, quel mouvement ou quelle stratégie a été mise en place. Ça serait vraiment trop volumineux comme film. Oui. Donc, on pourra se lancer. Tu as joué un peu, toi, Andrew, à Dota? Ouais, j'ai pas aimé. Ah, OK, bon. Ben... Ça va pas accrocher. Ah, d'accord. Ouais, c'est un jeu qu'on aime ou qu'on aime pas. Donc, il faut être axé sur la compétition, en fait. Non, c'est ça. Le concept est pas mauvais. Là, j'ai rien contre le jeu en soi, mais c'est pas un genre qui m'accroche. J'ai joué, j'ai apprécié, mais j'ai pas accroché. Là. Je me demandais parce que tu n'avais pas fait de commentaires depuis le début de la chronique sur le jeu. J'ai regardé... toujours ton mot à dire habituellement. Ben, j'en ai profité avant que tu me dises « T'as-tu cherché des nouvelles, Andrew? » pour faire ma recherche de nouvelles. Ah, d'accord, c'est bon. Ben, merci de ton commentaire, Andrew. Excuse-moi, Diego, j'ai vu un flash. Là, je voulais avoir l'opinion d'Andrew là-dessus. Sans problème. Donc, le film nous propose vraiment une superposition d'entrevue des trois personnages. On passe de un à l'autre dans leur préparation vers la compétition. Ce qui est vraiment intéressant, en plus d'avoir des images du jeu, donc des images de la compétition internationale, il y a aussi, ils ont vraiment recinématisé des scènes pour montrer les actions des avatars dans le jeu. Donc, c'est vraiment comme une cinématique de jeu, donc en CGI remontée, okay. que tu ne trouves pas dans le jeu. Donc, ça rajoute une plus-value assez intéressante, là, ça rajoute un petit peu plus de dynamisme. Des scènes d'action en animation. Donc, hey, je veux dire, on parle de jeu, on parle des personnes, on parle humain, et en plus, il y a de l'action, il y a tout dans ce film. Oui, c'est ça. Donc, ça coupe court un peu. Ce qui est intéressant, c'est que si vous... Toi, tu m'as dit que tu écoutais StarCraft 2 un peu sur... Oui, j'aime ça regarder les compétitions de StarCraft 2. Donc, il y a beaucoup d'intégration des voix des commentateurs durant les compétitions. Donc, ça rajoute de l'entrain, puis ça rajoute beaucoup de l'ambiance qu'il y a dans ces compétitions-là. Donc, pour la fin. Ce qui est peut-être un petit point négatif rapidement, c'est que ça peut être vu comme un outil promotionnel publicitaire, okay, de Valve qui parle de son jeu, ouais, en vue de la prochaine compétition de 2014 qui s'en vient bientôt. C'est une façon de voir, mais par contre, ça montre quand même une bonne description de la scène e-sport en général dans les différents continents. C'est-à-dire pour les gens qui écoutent Puissance Maximale et qui sont des auditeurs avertis, ils ne se feront pas prendre par le petit côté peut-être commercial de ce film-là. Ils vont aller directement à l'humain et à l'histoire. Là. C'est ça. C'est sûr que c'est peut-être un peu un outil promotionnel, mais c'est quand même un film qui est gratuit et le jeu est gratuit. Donc ouais, c'est faut en mettre, mais... Il faut en laisser aussi un peu. C'est ça, ils ne font pas beaucoup d'argent là-dessus. On n'a pas besoin de mettre aucun argent pour jouer et pour compétitionner. Le film est disponible où? Le film est disponible sur Steam, okay, évidemment. Il est aussi disponible en plusieurs langues sur YouTube, dont en français. Je ne sais pas si c'est uniquement les sous-titres, je n'ai pas vérifié. Je l'ai écouté en version intégrale, en version originale, mais il y a des versions en plusieurs langues. Excellent. Est-ce que ça me permet de rajouter une information, Diego? Bien sûr. Si vous êtes intéressé de suivre le championnat international de Dota, c'est possible sur le site jeuxvideo.com en direct sur le web. En français. Donc, excellent. Oui. Puis, je pense dans les infos que tu voulais me parler tantôt, cette année, il y a un gros prix dans l'international. Oui, c'est ça. C'est que le prix est toujours en train de monter parce qu'on peut acheter une passe pour regarder in-game les compétitions, okay, avec les commentateurs officiels, donc en anglais ou en russe aussi et probablement en chinois. Donc, pour 10$, donc on a la passe pour tout le tournoi et 2,50$ est donné dans le pot final. Oh. Donc, en 2011, c'était 1 million de dollars pour le gagnant seulement. L'année dernière, c'était 1,6 million et actuellement, ils sont rendus à 6 millions, mais pour tous les gagnants. Okay. Donc là, c'est sûr que ça va encore monter, peut-être 8, 9, 10 millions probablement cet été. C'est quand exactement? As-tu les dates, Andrew? Oui, je vais regarder sous ça. Sous les yeux. Ben, on va regarder ça. Au pire, Andrew va nous sortir ça sur Facebook. Ouais. C'est déjà en cours. C'est commencé? Ben oui. Bon, ben, mesdames, ouais, ben, en fait, oui, c'est ça. C'est qu'on parle des finales. Donc, c'est-à-dire, il y a des qualifications à distance et ça va se passer une fin de semaine. Parce que je vois que c'est... présentement, il y a du stock aujourd'hui. Puis, la grille horaire va jusqu'au 25 mai. Donc, les qualificatifs sont commencés. Oui, puis il y a les différents pays, là. Il y a la Chine, il y a... Ben, surveillez ça parce que ça vaut vraiment... Même si on n'est pas super bon à un jeu, ou c'est toujours intéressant. Moi, StarCraft 2, je suis pourri, mais j'adore regarder comment les gars jouent. Comme puis... là, actuellement, cette semaine, là c'est les qualifications de la Chine. OK. Puis à partir de samedi, c'est les qualifications en Europe du quatrième tiers. Excellent. Bon, ben les qualifications sont parties, mesdames et messieurs. On va peut-être essayer de trouver la date, la finale, là, pendant qu'on finit avec Diego. Donc, on vous rappelle, on vous parlait du jeu Free to Play, disponible sur Steam, sur YouTube là, également. Et là, il y a un autre film dont tu voulais nous parler, Diego. King of Kong. Oui, King of Kong, le titre complet, c'est King of Kong Fistful of Quarter, oui. Qui est un petit clin d'œil au film de Morricone avec Clint Eastwood, For a Fistful of Dollar. Ouais. Donc, c'est l'histoire du record du monde de Donkey Kong, qui est détenu depuis 82 par un certain Billy Mitchell. Donc, ce film-là retrace, à partir de 2006, les tentatives qui ont été faites pour briser ce record. Pour briser le record. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment un documentaire dans la pure tradition un peu du cinéma direct. Donc, quand on lit les entrevues avec... c'est un film de Ed Cunningham et de Seth Gordon. Les deux se sont vraiment pitchés dans le sujet sans savoir trop où est-ce qu'ils allaient. Puis ils disent, on est tombé sur un des protagonistes, celui qui essaie de battre le record, Steve Wiebe. Puis on a vu qu'on avait une histoire incroyable. Les deux personnages représentent le bien et le mal d'une manière incroyable. Le documentaire est objectif. OK. Parce qu'il porte pas de jugement. Mais donc, c'est ça. D'un côté, il y a Billy Mitchell, qui a le record depuis 82. Il y a aussi le record dans 4 autres jeux rétro. OK. Donc, c'est le recordman de Donkey Kong Junior, Centipede, Pac-Man. Quoi? C'est mon adversaire que je dois battre? Non, c'est le premier à avoir réussi un score parfait à Pac-Man. Ben, c'est la personne que je dois battre. C'est-à-dire prendre tous les power-ups, manger tous les fantômes sur chacun des 255 tableaux. Ouais, mais je vais contacter Namco pour qu'il fasse une version à 251 tableaux. Mais t'as encore une chance, il avait mis 100 000 $ à celui qui allait réussir à passer le kill screen de Pac-Man. Ce qui est impossible en soi. Là, mais... Donc, c'est ça. Essaye toi, Andrew. Je vais m'essayer. Donc, pour ça, il a gagné la nomination de joueur vidéo du siècle dernier. Donc, des années 80-90. Ah, c'est ce qui est assez incroyable. Ouais, j'avoue. Mais c'est quelqu'un que le film va vous faire détester. Ah ouais? Oui, c'est incroyable. Il est imbu de lui-même. Donc, juste pour vous donner une image, le gros mullet qui va probablement jusqu'aux fesses. On parle de mullet, mesdames et messieurs, on parle de coupe longueuil. Une coupe longueuil épique. De champion. Oui, oui, oui. Avec la barbe, la cravate qui est vraiment flamboyante, là, soit le drapeau des États-Unis ou quelque chose qui ressort beaucoup. C'est un entrepreneur, il a sa propre hot sauce aux États-Unis, en Floride. C'est vraiment un personnage vraiment, vraiment... Il se prend pas pour de la marde. Non, c'est ça. Il se compare même un moment donné au Red Baron, au Baron Rouge. Et... OK! Mais c'est... à cette époque-là, avant le film, c'était vraiment une légende. Okay. Donc, lui, il a eu les records avec Twin Galaxy. Ça, c'est un peu ce que l'histoire nous raconte, ce que le récit nous raconte. Mais ce qu'on voit vraiment, c'est les tentatives de Steve Wiebe. Un gars no-name de Seattle, il a toujours été le meilleur deuxième. Okay. Toujours. C'est un bon lanceur de baseball, mais jamais assez. C'est un bon musicien dans la scène grunge des années 80-90 à Seattle, mais il n'a jamais percé. Donc, tout ça. Puis à un moment donné, il se fait mettre dehors, il n'a plus de job. Il dit « Bon, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je m'achète une machine de Donkey Kong. » Puis il est parti de là. Il a dit « Ah, c'est un record-là, ouais, ça, je suis capable de battre ça. » Fait qu'il l'a fait. Il l'a prouvé sur vidéo, il l'envoie à Twin Galaxy, qui est l'organisme sponsorisé par les records Guinness, okay. Pour établir les records dans les jeux rétro. Mais donc là, c'est ça, le film part là-dessus, et catastrophe, c'est pas accepté, pour différentes raisons. Là, je continuerai pas sur ce que le film nous raconte, mais ce que le film nous montre vraiment, c'est une histoire que des scénaristes auraient été refusés pour ça. C'est un rebondissement après l'autre. On découvre que Twin Galaxy, ça c'est vraiment mon opinion personnelle par rapport au film, que Twin Galaxy est vraiment noyauté par des disciples de Billy Mitchell. Okay. Donc l'arbitre en chef, t'sais, Twin Galaxy existe parce que Billy Mitchell a tous les records. Donc puis là, ceux qui vont vérifier les records de Steve, c'est des amis de Billy. Ils viennent faire un peu de sabotage durant ces parties live. Parce qu'en gros, c'est ça. C'est que Steve Wiebe dit « OK, moi, c'est beau, je vais y aller live d'abord. Je vais en direct, dans une arcade, rejoins-moi. On va voir qui c'est qui est le meilleur. » Et là, c'est la question, est-ce que Steve Mitchell va accepter ou pas. Donc, le film finit en 2006. Après ça, donc, ils sont rentrés dans les records du monde. L'histoire continue. Mais actuellement, il y a un autre documentaire qui vient peut-être un peu après, qui est difficilement trouvable sur Internet, qui est Dr. Kong, okay. Qui est le nouveau grand champion, qui est un chirurgien plastique de New York, okay. Asiatique. C'est n'importe qui peut être autant un gars qui fait de la hot sauce en Floride, un chirurgien plastique, pas mais, de problème. Ouais, c'est ça, donc le chirurgien a vraiment battu tous les records, okay. Et il les a battus live. Donc, il y a un Québécois aussi qui est dans les cinq meilleurs, Vincent Lemay, okay. Qui est aussi un bodybuilder, c'est très drôle de voir le bodybuilder qui est aussi extrêmement... habile à Donkey Kong. À Donkey Kong. Donc, ce film-là nous propose des personnages vraiment incroyables. On suit autant la femme de Steve. Donc, pendant que les parents de Steve nous parlent comme quoi qu'il y a peut-être des problèmes mentaux, il est peut-être autiste, il est OCD, donc c'est sa femme, sa mère qui nous dit ça. De l'autre côté, la mère de Billy, « Ah oui, oui, mon fils est un winner. Il réussit tout ce qu'il fait dans la vie. » Donc, c'est vraiment fort intéressant. C'est sûr que je me suis posé la question, je me suis mis d'un point de vue... pro Billy Mitchell, puis je me suis demandé, est-ce que le film ternit la réputation de Billy Mitchell intentionnellement, ou est-ce que c'est vraiment ça? Et il y a plusieurs entrevues qui ont été faites. Un journaliste a fait une entrevue, une double entrevue, autant avec les réalisateurs du film qu'avec Billy Mitchell en parallèle, pour essayer de voir comment les choses, et c'est vraiment l'effet Rashomon. Donc, pour ce qui se passe dans le film, tout le monde a vu ces événements-là différents. Donc, okay. Il y a une scène en particulier où est-ce que les deux se rencontrent pour la seule et unique fois de leur existence, que les deux ont des explications complètement différentes. Un crie au montage, puis les réalisateurs disent « Non, non, non, on vous a montré telle qu'est la scène, comment elle s'est passée. » Donc, c'est vraiment fort intéressant. C'est un film qui va vraiment vous émouvoir. Ça explique très bien c'est quoi les jeux rétro, c'était quoi la frénésie des arcades de l'époque. Ça explique aussi qu'il y a encore du monde qui vivent encore dans cette frénésie-là, parce qu'on en voit plusieurs, ceux qui détiennent encore les records du monde. Ils sont très fiers de cet accomplissement-là dans leur vie. Puis il y en a encore qui jouent, comme ils disent, à toutes les semaines, tous les jours, pour battre un record ou pour atteindre leur objectif. Vous voyez, mesdames et messieurs, on ne parle pas que de jeux, mais on parle aussi des humains derrière le jeu. Oui, donc c'est ça, c'est deux documentaires qui sont vraiment axés sur les joueurs qui cherche dans le jeu plus qu'un simple plaisir, mais vraiment une compétition. Excellent. Hey, merci beaucoup, Diego, de nous avoir parlé de Free to Play et de King of Kong, le titre complet. King of Kong, Fistful of Quarter. Lui, il est un petit peu plus difficile à trouver. Je ne suis pas sûr qu'il soit dans tous les vidéos. Je n'ai pas vu de version qu'on peut acheter en ligne. Probablement le DVD est sur Amazon. Sinon, tout mon site de piratage peut vous aider. N'oubliez pas, piratage responsable. Oui, responsable, ouais. Donc effacez-le après. D'ailleurs, tu avais aimé notre parenthèse là-dessus, Diego. Oui, si j'ai adoré. J'ai bien aimé aussi l'article... Merci. C'est Michael. Ah, merci beaucoup, Diego. Dans Le Peuple de Lévis, si je ne m'abuse. C'est en plein, ça. Donc, on vous invite aussi à aller lire Le Peuple de Lévis de cette semaine, page 6, Le Geek du Peuple. Ça, c'est moi. Alors, regardez la photo, ça fait depuis parce qu'à ce temps, j'ai des cheveux. Mais allez lire cet article sur le piratage également. Donc, merci beaucoup, Diego, de nous avoir parlé de ces deux films. Et, M. Castegan, il est temps parce que la première heure de Puissance Maximale est presque déjà terminée. On va partir en double pause musicale. On va y aller avec une reprise d'une musique de Mario. Avec le groupe Arm Cannon qui fait une reprise du niveau du château de Bowser avec le titre qui s'appelle X1234. Et aussi, on va y aller avec une chanson du groupe Blind Guardian qui s'appelle The Soul Forge. Et on vous envoie ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. CJMD Rock Music. 96.9. Let it ride. When you're high, who you're flying for? Rock music. Thank you. De retour à puissance maximale, vous avez entendu X1234 de Arm Cannon et de Soul Force de Blind Guardian. Puis et quelque chose de bizarre. Et quelque chose qui ressemblait aux Chipmunks. Bref. En version coréenne. Ouais, c'est ça. Mais nous voilà de retour à puissance maximale avec M. Julien Materne pour nous jaser comic book. Et là, cette semaine, M. Materne, en fait, ce mois-ci, parce que tu passes pas toutes les semaines, mais. Mais là, on va parler d'un personnage, ma foi, des plus étranges dans l'univers des comic books. Et il s'appelle cet homme-là, en tout cas cet homme-là, cette affaire-là, Deadpool. Ouais. Ben, ouais. Quand j'ai vraiment trop, on fait un spécial Deadpool. Donc, on va peut-être être moins sur la critique et plus sur le personnage. Donc, ça pourrait être des thématiques à l'avenir. Donnez-moi un personnage et je vous dis qu'est-ce qui fait l'envie. On pourra faire ça, effectivement. Dans le fond, Deadpool, personnage apparaissant parfois dans New Mutant, qui est une dérivée de X-Men en 1990. Au départ, il était un méchant, on ne savait pas trop d'où il sortait. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il venait de Weapon X, soit le même programme qui avait créé Wolverine à l'époque. Ce qui est le fun avec Deadpool, c'est un peu comme un pendant du Joker sur DC, même si c'est pas du tout le même genre de personnage, mais par rapport au passé de Deadpool. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a rien de certain sur le passé de Deadpool. Okay. On ne saura jamais d'où c'est qu'il sort vraiment. On sait qu'il vient de Weapon X, on sait qu'il a été un projet un de cobaye, un cobaye de l'armée canadienne à l'époque aussi, qui était des gros méchants avec la CIA et qui ont créé Wolverine. Là, quand tu sais ça, tu fais « Putain, on est capable de créer des choses comme ça avec le programme militaire canadien. » Don't fuck with us. À vrai dire, on n'a pas eu grand-chose. Comme dit, Wolverine n'a pas été créé, il était déjà de même avant. Ouais. Ils l'ont juste brainwashé, mis de l'adamantium, puis ils l'ont pitché dans la nature. Deadpool, ce qui est intéressant, c'est un soldat des forces spéciales. Apparemment, la version qui revient plus souvent de son passé, parce que son passé est très flou, vu que Deadpool est un personnage, un cancer vivant. C'est vrai qu'il est chiant. Deuxièmement, c'est aussi le fait que, dans le fond, il y a plusieurs versions de son passé pour le Joker, c'est que, vu que Deadpool et pas sain mentalement, puis il a été tellement brainwashé souvent qu'il sait plus vraiment c'est quoi la vérité. Fait qu'il y a plusieurs versions de son passé, puis dépendamment de la situation, il raconte une différente. Puis en plus, avec le personnage qui est intéressant, que beaucoup de monde aime, en fait, c'est que le personnage Deadpool perce le quatrième mur de la BD. Puis on se demande toujours, est-ce parce qu'il est fou puis qu'il pense qu'il est dans une BD, ou il parce sait. Qu'il est totalement conscient qu'il est dans une BD? C'est ça qui est intéressant. Ça, on le saura jamais. Non. Mais moi, je dis qu'il est conscient, il sait qu'il est dans un jeu vidéo au niveau du jeu. Ah, peut-être. Peut-être, mais ou moi, peut-être, je, encore moi, une fois, c'est sa folie qui lui parle. Mais il voit les bulles générateurs, qui est sa conscience. Il l'utilise comme pont pour traverser une marée toxique. Ah, c'est bon, ça. Ouais, non, ça. En fait, ce qui est le fun avec Deadpool, c'est qu'on joue vraiment avec le médium BD. Là. On va vraiment l'utiliser. On dit, c'est-tu? On joue juste à la marge. On brise le quatrième mur, mais sur la marge du fait que le fait que le personnage est écrit, il est schizophrène, causé par son cancer, qui est en fait son super pouvoir. Dans le fond, Deadpool, ce qu'on en sait à la base, qui est quelqu'un qui revient plus souvent, c'est que c'est un soldat de la défense spéciale qui a eu un cancer généralisé, qui s'est fait dire, une chance de t'en tirer, t'es compatible avec une expérience qui s'appelle Weapon X, veux-tu venir, on va t'injecter de plein de cellules de Wolverine, puis tu vas devenir quelque chose. Fait que, est-ce que Deadpool est un mutant? La question est ouverte parce qu'il a été trafiqué par rapport à de l'ADN de Wolverine, mais est-ce que le fait qu'il était mutant a permis de faire ça? En deux mots, il est rendu un cancer géant, fait qu'il se régénère comme cellule cancéreuse. Fait que, Non-stop. Il se propage. Il se propage, comme dit Mike. On va l'autre dire ça affaire, comme ça. C'est aussi ce qui est très fort de lui par rapport à Wolverine, c'est que son healing factor est proportionnel aux dégâts qu'il reçoit. C'est-à-dire que Wolverine, c'est toujours égal. Il va guérir aussi vite, peu importe ce qu'il reçoit. Deadpool, si c'est gratin avec une feuille ou s'il se fait atomiser par le Hulk, ça va aller plus vite dépendamment. Ouais. À dire Deadpool, il n'y a pas vraiment de moyen de le tuer. Ouais, c'est physiquement ça. Impossible de tuer Deadpool parce qu'il peut se régénérer. Il a déjà été passé dans un blender puis s'est régénéré. C'est-à-dire le Hulk l'a atomisé, il restait deux jambes, ils ont mis en prison puis il est revenu. C'est ça. C'est que le personnage, en fait... Il faut qu'il reste aucune molécule. Il faut qu'il reste rien. Zéro. Nada. Il faut que ce soit vraiment... Faut même pas qu'il y ait de la poussière. Là, désintégré à tous les niveaux. Plus rien partout. Ce qui est intéressant sur le niveau de Deadpool, c'est le seul personnage dans le monde des X-Men de Marvel qui est immunisé naturellement au télépathe. C'est qu'il est tellement cinglé, puis son cerveau se régénère tellement tout le temps... Ça passe pas. ...que ça passe juste pas. Alors, il y a Doctor Strange qui est à rentrer dans son cerveau, puis il a fait comme « c'est ça ». Moi, je rentre plus que là. Sa machine et non pas un télépathe. Donc... Même Psylocke est même pas capable de l'arrêter. Non, il y a personne. Même Xavier n'est pas capable de l'arrêter. Il y a personne qui a... Mais c'est ça que le personnage, à la base, c'est un... Ben, on a compris qu'il n'est pas là, le bonhomme. Là. Il manque ben, des... Il n'est pas là ou il est trop là. Il n'est pas là ou il est trop là. Puis la face qui est drôle avec Deadpool comme personnage, ça, vous allez analyser un petit peu, c'est que il est complètement fou, mais il n'est pas con. Il est foncièrement intelligent. Fait que des plans des fois comme justement dans une des BD qui fait un peu la même chose dans le jeu vidéo où c'est qu'il arrange un plan où c'est quelqu'un va tomber dans quelque chose puis se prive d'avance parce que dépendamment de ce qu'il va faire la personne va reculer puis c'est tout des gros des plans à grande échelle avec des niaiseries. Aussi j'ai un exemple pareil qui joue au Secret Avengers. Là évidemment il y a Captain America, Black Widow, c'est un peu l'équipe un peu plus espionnage Avengers puis s'en vont courir après un méchant. Ce qui se passe c'est que là bon le méchant s'échappe parce que Deadpool le fait comme mais tout était prévu bien entendu mais ça les autres le savaient pas sont en mode après Deadpool. Deadpool ramasse une New Beetle pour, comme char de poursuite parce que c'est ce qu'il y avait là. Ben tout à fait. Il n'y a rien de mieux qu'une New Beetle pour poursuivre le méchant. C'est ça. Fait, ça pour dire ben Black Widow peut me s'asseoir sur mes genoux. Non, Steve, tu t'assis sur ses genoux. Fait qu'il s'assoit sur ses genoux. Il arrête au magasin de feu d'artifice. Personne ne comprend pourquoi. Ça parce que dans le fond, ce qu'il voulait faire, c'est une grande finale à l'exécution du méchant. Tout était prévu. Il a mis feu d'artifice. Ça ne servait à rien à part genre j'ai coupé la main. Voilà, c'est tout. Il voulait voir ça flashy. Mais ça a pris un gros déroulement, un gros raisonnement ultra logique pour arriver à un plan aussi qu'elle est sûre de gagner mais c'est fait d'artifice mais que personne comprend sauf lui. Ben c'est comme dans le jeu vidéo où il met un genre de château gonflable pour apprendre aux joueurs comment utiliser le saut. Mm-hmm. Mais t'es comme pourquoi un château building, gonflable dans les égouts et à un moment donné tu te ramasses contre le boss du tableau puis il se ramasse éjecté en dehors de la bâtisse parce que la bâtisse explose, tombe dans la trappe d'égout sur le château gonflable qui se dégonfle puis là il dit c'était prévu. Et voilà. C'est comme mais c'est ça le personnage là comme dans Et aussi il se fait appeler par Raymond Studio pour se faire dire qu'il a défoncé le budget puis que ah mais ça on est vraiment à fond dans le pétage le quatrième mur avec Deadpool. Ouais, c'est aussi la très grande parodie du monde du comic book là. Ben, c'est ça qui est intéressant quand qui jouait avec le médium, c'est autant au niveau physique dans BD que dans les conventions il brise ces murs là aussi. Mais là on a compris que là il a commencé méchant. Parce que, mais il vient finalement à côtoyer des super-héros qu'on connaît bien. Puis je pense c'est Andrew qui m'avait parlé de ça à un moment donné, c'est qu'il essaie même de devenir un Avenger à part entière. Il essaie de devenir un héros parce qu'à un moment donné, ben, le gars, c'est à force de tenir avec des héros, puis à force de... Ben, c'est toujours un mercenaire. Deadpool, dans le fond, c'est le gars qui vaut un peu sa conscience et son portefeuille. Au départ, ben, c'est un méchant parce qu'il était vu, parce qu'il avait besoin d'un méchant pour New Mutant. L'affaire qu'il faut se rappeler avec Deadpool, c'est que c'est une parodie à la base. Donc, ouais. C'est redevenu assez... La naturel est revenu assez vite au galop. Dans les premiers New Mutants, c'est un gros méchant, il tue tout plein, c'est un pendant de Wolverine, tu le cœur pas trop, mais ça prend une couple de numéros. Puis, à chaque fois, le personnage devient assez populaire pour que le naturel, la joke, revienne au galop. C'est que Deadpool est une parodie d'un personnage de DC Comics qui s'appelle Deadstroke. Qui est un il s'en ressemble beaucoup. Qui était à la base. Ouais, mais c'est justement. Puis il n'y a jamais eu poursuite là-dessus parce que c'est un gag entre les écrivains et les dessinateurs des deux séries. Okay. Qui se connaissent très bien. Je regardais justement hier Son of Batman, film animé. Tu voyais c'est Deathstroke. Deathstroke. Ouais. Deathstroke. Ouais, c'est ça. Tu le vois puis tu vois à la face. Ouais. À part qu'il manque un œil. Deathstroke, c'est Slade Wilson, puis ouais. Deadpool, c'est Wade Wilson. OK, c'est ça. C'est que... Dans le fond, c'est que... Puis les mêmes, même à la limite, DC a fait le même coup, c'est qu'ils ont fait Batman se battre contre une version d'un univers parallèle de Deathstroke qui était complètement déjanté. OK. Qui était habillé en rouge, bien entendu, oui. Et du traditionnel orange et bleu, puis Marvel n'a rien dit, parce que c'est comme une entente d'Assemble DC et Marvel. Deathstroke, Deadpool, on n'écarte pas personne, c'est drôle. Non, c'est ça. C'est une joke entre les deux compagnies. Deathstroke va toujours rester ultra sérieux, même si une fois de temps en temps, t'as une pointe qui peau là. Moi, je préfère quand t'es habillé en rouge, une petite niaiserie de même. Là, il joue un petit, ou le contraire chez Marvel. Dans le fond, parce que aussi Deadpool est une parodie. Maintenant, il est rendu une parodie du monde du comic book en général. C'est ça, c'est au-delà. Il est rendu plus gros que le personnage. C'est ça, c'est rendu plus gros que le personnage. Fait que dans la dessin de Wick, qui est pas mal ma préférée, qui sait qu'il essaie de tuer Deadpool. Deadpool, tu veux toujours ce que tu peux pas avoir. Fait que Deadpool veut mourir. En 10 volumes, t'as Deadpool qui essaie de mourir. Ben, il essaie plein de choses. Au début, il dit « Bah, je t'ai curé de personnage, je vais donner pirate. » Fait que 6 millions de dollars qu'il ramasse, il fait transformer en bouillon d'or puis il achète un espèce de rafio avec son chum Bob de Hydra. OK. Puis ils partent. Après ça, ça marche pas, ben il dit que là, je vais essayer de faire devenir un héros comme mes amis, ben amis entre guillemets, parce que personne n'est vraiment ami avec Deadpool. Il énerve tout le monde. Parce que moi, on veut le tuer. Il considère un danger. Un danger public, tu sais. Fait qu'il essaie de rentrer les X-Men, ça marche plus ou moins ce que tout le monde dit. Ben, Demio qui répond à vous, ben pourquoi vous voulez pas des X-Men, hein, qui est tellement moins dangereux que nous autres que contre nous autres. C'est pas c'est Deadpool, ouais, mais non, c'est Deadpool. C'est Deadpool. La réponse de tout le monde, c'est Deadpool. Les Avengers, c'est comme tu viens plus jamais à New York, s'il te plaît. Spider-Man, c'est à peu près la même réponse. Ou quand c'est des bons gags, c'est quand Spider-Man dit t'es vulnérable, pourquoi tu te sauves du monde qui te tire dessus? Ouais, mais ça fait mal. Mais c'est ça, en fait, il y a des gens, je sais que j'avais croisé des personnes qui disaient « Ah, Deadpool, trop, tu sais, trop fort ben, avec son pouvoir de régénération, tout ça, trop fort, nanana, personnage moins intéressant, mais il faut vraiment le prendre comme une parodie. » C'est une parodie. D'ailleurs, si je rebouche au dernier comic, la dernière série qui est faite depuis le reboot, ben, le soft reboot, on va dire, de Marvel, qui est Marvel Now. On a Marvel Now, puis le New Now. Oh, ouais. Parce que ça n'a pas marché. Okay. Le Now de Marvel, comme le New Coke. C'est comme le Pepsi Next. C'est ça. Ouais, on essaie de rebooter sans rebooter. Dans le fond, on fait pas ce que DC a fait. DC a rebooté complètement. Ouais, ben on reboot, mais on reboot pas. On remet tout à un, puis on change un peu le statu quo, mais non, pas vraiment. Pas vraiment. Sauf que là, le dépôt est rendu un peu plus sérieux. Moi, ça, j'avais demandé. Parce à part la première partie où c'est qu'il se bat contre des zombies présents aux États-Unis. Parce que qui peut tuer des zombies présents aux États-Unis autre que Deadpool? Parce que Captain America peut pas le faire. Il peut pas tuer un président des États-Unis. Ben non, Deadpool, tout le monde s'en fout qu'il tue des présidents des États-Unis. Même si c'est des zombies. Tu sais, mais c'est des zombies, ouais. C'est ça. C'est ça. Fait que t'as Deadpool qui se bat contre les zombies des anciens présidents. Des nécro-présidents. C'est juste parfait, tu sais. Mais après ça, ça tombe sur le sérieux si t'as pingue Deadpool a pas vraiment eu une fille qui était détenue par des... Là, ça devient comme genre, wow, OK, on... Ben, je m'attends à ça de Wolverine. C'est super intéressant, mais je m'attends à ça de Wolverine, pas ouais. De Deadpool. Mais en fait, ça, j'allais dire, ça doit être intéressant pour quand même un personnage comme ça qui est over the top, ouais. Tout le thème. Ça doit être le fun d'avoir une version... Un peu grounded, ouais, c'est ça. Donc, quand il passe un bout de Rampage de Vengeance avec Wolverine, c'est super cool, mais on perd un peu l'essence, comme dit, de la parodie, de l'esprit un peu de genre, hey, je vais aller me péter contre Hulk, pourquoi? Pour le fun. Parce que je peux, c'est ça. Et que finalement, il gagne quasiment parce que c'est juste que. Attends, il a déjà gagné contre Hulk. C'est juste parce que Hulk s'est tanné. Ouais, non, la première fois, c'est parce que Hulk s'est tanné. La deuxième fois, c'est parce que Hulk. il a fait pour provoquer Hulk qu'il fasse exploser une bombe atomique sur Hulk. Bien évidemment. Pour qu'il le fasse, pour pouvoir mourir parce qu'il est allé voir. Ça, c'est la bouche qui veut mourir, c'est qu'il va voir Sean Wolverine en disant. Toi qui es immortel comme moi, comment tu ferais pour mourir? Ben, il n'y a pas vraiment de solution sauf. Non, tu vas pas le voir lui, là. Non. Mais t'as raison, faut bien que j'aille voir. Et qu'il s'en va dans le désert trouver Banner, puis il fout une bombe atomique sur la tête pour le mettre assez en bâtard pour qu'il le tue. Yeah! Ça marche pas. Non, ça marche pas. Il se ramasse une paire de jambes que Captain America met en prison, puis t'as Deadpool même plus tard qui est là. Mais tu sais, des fois, justement, pour tous les geeks que nous sommes, tu sais, des fois, tu sais, les nombreux théoristes là, qui parlent ouais, mais si tard il ferait ça de même, puis tatati. Mais c'est Deadpool, je trouve ça intéressant parce que ça peut aller jusque-là. Là, justement, je sais pas ce qui se passerait. Il y a une bombe atomique qui tomberait sur Hulk, puis qu'est-ce qu'il ferait, puis tu sais, des trucs de même. Ben, ils testent souvent que ça. Ils peuvent le faire avec Deadpool. C'est le fun d'avoir ça dans cet univers-là. C'est toujours qu'est-ce qu'on peut faire d'encore plus niaiseux aujourd'hui. Mais moi, qu'est-ce que je trouve drôle, c'est les petites scènes où justement il se retrouve avec l'amour de sa vie. La grande faucheuse. Ah oui, c'est ça, parce qu'il veut mourir. C'est son but dans la vie. Il peut pas mourir, donc il veut mourir. C'est ça, mais quand il meurt, il voit la mort. Puis moi, j'aime beaucoup la version qu'ils ont mis dans le jeu vidéo. Là, parce que dans le fond, dans la BD, c'est vraiment le squelette, là, t'sais, la faucheuse comme on la connaît. Mais ça pour dire que aussi dans la BD, les jeux vidéo, la BD, je te dirais que pas avant Now, c'était Daniel Wick qui écrivait ça. Puis c'est celui qui écrit le jeu. Donc c'est très très similaire dans le propos. C'est ça, sauf que dans le jeu, ils ont mis genre une fille, genre un peu cadavérique. Avec une peinture faciale comme dans les festivals de la mort justement au Mexique là. Okay, ouais. peinture de tête de mort. Fait que, moi, je trouve ça merveilleux. Là. Elle a comme les mains en squelette, ça, mais elle a vraiment une face de femme. Fait que, ça rajoute le principe que Deadpool, il est comme en amour fou. Puis à chaque fois, c'est tout le temps, bon, ben, on retourne chez vous. On va devoir se séparer. Puis là, il est là, non! Son amour impossible. C'est la seule femme qui ne rejette pas Deadpool et qui aimerait... Qui aimerait bien l'avoir, mais qui peut pas l'avoir non plus. Mais c'est ce qui est drôle avec Deadpool, c'est qui c'est qui était assez ensemble pour être en équipe avec Deadpool? Juste Deadpool. Non, c'est fait qu'ils ont fait une série de BD qui s'appelle Deadpool Team Ups. Non, c'est pas Team Ups, c'est pas ça, c'est Deadpool Corps, où c'est que Deadpool va dans des réalités alternatives recruter d'autres Deadpool. Fait que Zombie Deadpool, qui est une tête volante. T'es grandi over the top. T'as Lady Deadpool, t'as l'écureuil Deadpool, t'as le chien Deadpool, le kid Deadpool, puis ça fait le Deadpool Corps. Ah, man. C'est... Le Squirrel Deadpool malade. Ah, oh, ouais, non, c'est juste. Je connaissais n'importe pas, quoi. Je connaissais pas beaucoup Deadpool, mais on dirait vraiment un anti-super-héros. Ouais, carrément, carrément. Ben, c'est un anti-personnage. C'est un anti-BD. C'est comme l'antithèse de la BD du personnage, du développement de personnage normal. Mais ça a l'air tous les auteurs et dessinateurs qui touchent à ça, ils doivent trouver ça le fun puis défoulant de pouvoir travailler là-dedans. Là, ils peuvent péter. Tu peux faire n'importe quoi. On dessine des présidents américains zombies puis on trouve un super héros pour aller les. Deadpool, un ninja à deux épées qui s'en sac. C'est malade. Canadien en plus. Non, c'est ça, ah oui. Tu sais. Modifié par des Canadiens. Marvel, là, je sais pas ce qu'ils ont avec les Canadiens, là, mais ils nous donnent beaucoup de crédit. Là. Ah oui, mais moi, c'est. Mais Marvel, Stanley, côté, nous aime beaucoup. Côté créativité, je veux dire. Tu sais, comme t'as DC, Comics, c'est comme genre à Warner qui dit on peut pas vraiment faire un film de Wonder Woman, le monde est pas prêt pour ça, tu sais. Et une héroïne qui tire de la Grèce antique, qui est une déesse, le monde comprendront pas. Mais Marvel fait comme ben nous on a un raconte de l'espace avec un shotgun. Nice. Non, mais tu comprends pas, c'est un raton laveur avec un shotgun, man. Moi je suis hypé ce film-là juste pour voir le raton. Mais je connais même pas Guardian of the Galaxy, j'ai écouté le bande-annonce, puis à chaque fois je vois le raton, je me dis il y a le raton! Mais pour revenir à Deadpool. Après Hobo with a shotgun, Raccoon with a shotgun. D'ailleurs, c'est pas Sanny qui a le crédit pour Deadpool, même si c'est lui qui a le crédit pour l'univers des X-Men, c'est Rob Liefeld et Fabien Nicieza. Okay. Excusez-moi, mon espagnol en a de la misère aujourd'hui. Quand pour New Mutant à l'époque, qui cherchait un méchant, puis qui ont décidé de parodier Deathstroke. Mais bon, c'est bon. Pour moi, j'avais parlé de Deadpool, on parle de séries de Deadpool qui peuvent être intéressantes, où Deadpool apparaît. J'avais mentionné Deadpool Team Ups. Dans le fond, c'est une série de. C'est toutes des one-shots qui ont. C'est une BD de 10 pages, 15 pages, à chaque fois où c'est que Deadpool fait équipe avec un autre héros. Spider-Man, Thor, puis ça finit toujours par genre, il est là au mauvais endroit au mauvais moment, le super-héros t'en fait péter la gueule, Deadpool débarque. Fait ce que Deadpool fait de mieux, dans le fond, mettre le chaos total, finit par gagner, puis l'autre, l'héros, il fait « Va-t'en! Va-t'en! Va-t'en! Maintenant! » Fait que c'est une série assez hilarante, surtout celui-là aussi qu'on avait, que j'avais été ramassé un moment donné, c'est qu'il est avec un personnage obscur de Howard the Duck, qui est déjà un personnage obscur, qui est la vache vampire. Il fait un team-up avec une vache vampire. Attends un peu, il y a une vache vampire dans Howard the Duck? Apparemment, dans BD, oui. OK, ah, c'est vrai. Ils l'ont ramené dans Deadpool pour un team-up avec Deadpool. Ça va loin, là. C'est le festival de la référence obscure. Oh oui, non, Deadpool, c'est grave, là, au niveau de la... Quand tu connais ton comic book un peu, tu regardes comme... Non. Puis des références de DC aussi, là. Comme j'ai vu une image de Deadpool qui s'était mis une pseudo-cap, des oreilles de chat, puis qui est une gargouille en disant « I'm the bat... » Non! Non! Ah, c'est bon. C'est poursuite. C'est clair. Écoute, Julien, Deadpool, je l'ai toujours dit, personnage à découvrir. Merci beaucoup d'être passé à l'émission, de nous en avoir parlé. Jeu à essayer aussi. Ouais, le jeu... Je peux juste nommer une couple de ouais, BD c'est ça que j'allais te demander. Pour aller vite. Dans le fond, moi, je serais toute la série Deadpool par l'auteur Way, qui serait pas mal idéal pour quelqu'un qui veut commencer ou se lancer là-dedans. Les ai toutes Ouais. Uncanny X-Force, qui est un peu plus récent, un peu moins de Deadpool dedans. Il fait partie de l'équipe des X-Force, qui est de l'équipe des Black Ops, des X-Men, qui vont tuer ce que les X-Men ne peuvent pas vraiment tuer parce que ce ne serait pas les X-Men de tuer du monde. Fait que t'as Wolverine, Deadpool, Phantom X, tous les badass, dans le fond, qui sont Wolverine là. Wolverine doit tellement être content. Ben, il fait juste ça, être content. T'as les Thunderbolts aussi, qui est un peu le pendant, mais Marvel global, c'est qu'il est avec Red Hulk, The Punisher... Electra, tous les assassins de Marvel aussi, qui peut être assez intéressant, mais je me suis tanné assez vite de ça. Deadpool Corps, comme j'ai nommé, Deadpool Team Up, les classiques Deadpool, un peu moins intéressant parce qu'on part un peu du premier, c'est qui est un méchant qui va réévoluer en parodie, dans le fond. Fait que c'est intéressant pour voir les débuts du personnage, le voir se battre contre Hulk et Hulk Stan, justement. Ça, j'avoue que j'aimerais savoir. Il gagne par défaut. Seul gars qui gagne contre Hulk, il gagne par défaut. Puis aussi, la trilogie qui appelle, c'est la trilogie où c'est que Deadpool tue des affaires. T'as le premier volume, c'est qu'il tue le Marvel Universe. Tu sais, tu te rends compte que Deadpool, c'est pas drôle parce que s'il voulait. Il pourrait. Le deuxième, c'est qu'il tue la littérature. Fait qu'il s'en va dans des mondes de Dickens, tué genre Tom Sawyer. Ah, man, je veux voir ça. Ouais, non, Diego, là, qui est un littéraire comme moi, là, qui fait « Oh, que je veux voir ça! » Fait que, puis t'as aussi le dernier, parce que qu'est-ce qui reste à tuer Deadpool après, c'est qu'il tue Marvel et la littérature, tuer Deadpool. Ah, ben fait oui. Que c'est Deadpool kill Deadpool. Ah, c'est malade. Alors, pour les amateurs de anti-héros, d'over the top et de parodie, en fait... Puis un peu aller explorer vraiment... Les raccoins sombres du comic book. Ouais, ben, allez vous chercher du Deadpool, allez explorer ça. Marquis. Salut Marquis, ça va bien? Parce que non, on a un ami qui écoute l'émission dont le nom de famille est Marquis, donc petit lapsus. Mais merci, c'est ce que je voulais dire, Julien, pour nous avoir parlé de Deadpool. Et il est temps de retourner en musique, mesdames et messieurs, après cette chronique, ma foi, des plus intéressantes. Et on va y aller avec une chanson thématique avec mon statut... ces temps-ci, une chanson d'Écola qui s'appelle Bon Dieu. Donc, vous allez comprendre le message dans la chanson. On vous envoie ça dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Bon Dieu, donne-moi un job, faut que je fasse mes démarches. Amener ma blonde au restaurant, puis checker les numéros gagnants. Oh bon Dieu, donne-moi un job, je vais payer le loyer du mois passé. Je vais brancher le téléphone, les collecteurs vont pouvoir me retrouver. Puis si jamais tu me donnes un job, tu me verras à l'église, à genoux devant le curé. Bon Dieu, laisse-moi pas tomber. Bon Dieu, donne-moi un job, prêt à commencer en bas de l'échelle. Pas pire avec les chiffres, puis j'sais me servir de ma cervelle. Bon Dieu, donne-moi un job, puis j'te jure que j'vais me caser. J'vais me lever tôt tous les matins, puis j't'en promets d'arrêter de chialer. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me reverras à l'église, à genoux devant le curé. Bon Dieu, laisse-moi pas tomber. Avec le public, j'suis bon vendeur, j'arrive à l'heure, pis j'bois moins qu'un alcoolique. Bon Dieu, donne-moi un job, j'suis prêt à bûcher comme un viet. Il faut que j'fasse de quoi de moi, j't'en ai d'attendre après mon chèque. Pis si jamais tu me donnes un job, tu me verras à l'église, à genoux devant le curé. Bon Dieu, laisse-moi pas tomber. Donne-moi un job, n'importe laquelle ferait mon affaire. N'importe où, n'importe quand, pour me sortir de mon calvaire. Bon Dieu, donne-moi un job, j'envoie mon CV à Saint-Pierre. Parlez-y de moi, si vous voulez, un pourcentage sur mon salaire. Puis si jamais tu me donnes un job, tu me verras à l'église, à genoux devant le curé. Bon Dieu, laisse-moi pas tomber. Job, tu me refais là à l'église, à genoux devant le curé. Bon Dieu, laisse-moi pas tomber. Ok. Hi, I'm Jeff. Jess Bradshaw. I'm Kev Green. I'm Kristen Clancy. And we're from Tesseractive Games, and you're listening to Renaissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Bonlieu et Décoloc. Et il est temps, mesdames et messieurs, de partir en nouvelle ludique. Avec Saviez-vous que avant? Mais oui, c'est ça. Mais avant toute chose, on va avoir deux Saviez-vous que avec M. Castagan et M. Diego Lamana. Puis vu que Diego, là, il est pas souvent ici, on va commencer par lui, bien évidemment. Là. Diego, t'as quelque chose à nous dire, là? Tu veux nous rendre plus intelligents aujourd'hui? Un Saviez-vous que? Ben, Saviez-vous que qui est en lien avec ce que je parlais précédemment? C'est sur le jeu Donkey Kong. Donc, Saviez-vous que Donkey Kong est le premier jeu de la série Mario? Ben, en fait, il y a beaucoup de personnes là, qui savaient que c'était comme un Mario, quelque chose qui ressemblait à Mario, mais premier de la série, non, effectivement. Donc, ça a été fait par Nintendo. C'était le premier jeu de Nintendo qui a été populaire en Amérique du Nord, dans la version arcade. Il a été vendu à Coleco à l'époque, 1982 à peu près. Donc, c'est la première présence dans un jeu de Mario qui s'appelait à l'époque Jumpman. Et la... Mais méchant nom, hein? Jumpman. Ouais. Ça y va. Il était créatif. Ah, c'est ça. Ouais. Marc, quand tu regardes les autres jeux de Mario, tu fais OK, c'est bon, la créativité, vous l'avez, les gars. On s'excuse. Un plombier qui joue au tennis. Ouais, un plombier qui mange des champignons puis qui grandit. Moi, j'achète puis ça. Puis au golf. C'est ça. Donc, on connaît Mario comme étant un plombier, mais à l'époque, c'était plutôt un charpentier. Donc, c'est pour ça qu'il y a son petit marteau qui frappe des barils pour aller chercher la princesse, qui à l'époque était uniquement appelée, connue sous le nom de Lady. Il n'y avait pas d'autres noms, mais par après, elle a été connue sous plusieurs noms, dont Pauline. Princesse Peaches ou Princesse Toadstool, tout dépendant des jeux et des époques. Moi, j'étais en train d'imaginer le japonais qui fait on va l'appeler Pauline. Pauline! Ouais, c'est ça, c'est clair. Ah, c'est bon, mais merci. Moi, j'avoue que le côté. Le nom de la princesse de l'époque, là, Pauline, là, je vais me coucher vraiment moi niaisé à soir. Puis, si vous voulez écouter quelque chose d'intéressant, je le dis encore, Game Theorist, vidéo en deux parties, qui prouve que Mario, c'est un sociopathe. Ah, c'est bon, ça. Il est comme moi. On peut regarder puis, ça. Il dit, selon la timeline non officielle, parce qu'il y a quand même des choses que Miyamoto a dit, comme, ah, ce jeu-là, il se passe à tel moment, d'où l'apparition de Pauline, à un moment donné, dans un jeu de DS. Ben, il dit, ben, Mario... Il n'est pas très, très fidèle. Qu'on voit d'autres femmes, pas juste autres stories. Ouais, mais là, je veux dire, quand ça fait 20 châteaux que tu fais, la princesse n'est jamais là, tu arrives à la fin, elle te donne un bec sur la joue. Je te garantis que moi aussi, je vais voir Pauline. Ouais, imaginez dans Donkey Kong, c'était 255 tableaux que Jumpman devait parcourir pour finalement pas atteindre. Bon, non, c'est ça, pour finalement... Parce que c'était un kill screen, tu n'atteignais jamais la princesse. Ah, mon Dieu, 200... Tout ça sur arcade. Oui, le mythe de Sisyphe. Comment ça devait coûter une beurrée? Il y en a, ben effectivement. Ben, c'est ça, un kill screen, c'est à peu près 3 heures de temps à jouer. 2h47, je pense que Steve Wiebe l'avait fait. Mais je me demande, ben lui, il l'a fait one shot sans continu? Toujours, ou... toujours. C'est pas un record non, si t'arrêtes, non. Ah, mais c'est malade, ça. 3 heures non-stop. First, faut être motivant, maudit. Deux, chapeau bas pour les habiletés. Oui, la première partie parfaite de Pac-Man, c'était 6 heures, je crois. Puis maintenant, le record du monde, si on fait la partie parfaite le plus rapidement possible, c'est autour de 3h30. C'est sur Internet, là, si vous vérifiez. My God. Le vidéo presque au complet, là. T'es-tu partant pour regarder un petit 3h live de... Non. Non? OK. Mais non, c'était quand même assez impressionnant. Ah, merci beaucoup, Diego, pour ce petit « Saviez-vous que » rétro. Ben moi, j'ai un triplé. Oh! Ils sont très courts. Vas-y donc, M. Castagan. Mais je vais continuer dans la veine de Mario parce que j'ai eu un flash pendant qu'il parlait, qu'on parlait des châteaux et tout ça. Puis que j'ai parlé de Game Theorist d'ailleurs. Saviez-vous que Mario, vous tuez des toads quand vous cassez des briques dans le premier Mario au Nintendo? Ah ouais? Oui, parce que si vous lisez le manuel qui venait avec le jeu, ils disent que les habitants du Mushroom Kingdom, a.k.a. les Toads, ont été transformés en buissons, en briques et en nuages et des choses comme ça. Fait que quand que vous cassez des briques à la recherche de pièces, en fait, vous tuez des Toads. T'es en train de dire que Mario... Tu lui fais les poches! T'es en train de dire que Mario est un génocidaire? Et le jeu pousse la chose plus loin. Vous remarquerez que le jeu vous récompense en vous donnant des points. À peu près la même quantité que quand vous tuez un Goomba. By the way. Ah, mon Dieu. Je serais plus capable de jouer à Mario jamais. Donc, c'est merci comme... à Game Theorist d'avoir mis la page scannée dans son vidéo. Ah, c'est chiant. Comme disait Michael, c'est une interprétation plausible de... Des jeux de plateforme, les premiers jeux de plateforme Mario, parce que si on enlève ce qui est écrit dans les manuels de jeu, on ne sait pas à l'intérieur c'est quoi la motivation première de Mario à tuer tous ces Goombas-là et à briser toutes ces roches. Est-ce que c'est lui qui détruit le royaume des champignons pour aller voler la princesse, ou c'est vraiment Bowser qui l'a volé? Non, c'est ça. Ça s'explique pas. In-game, c'est pas expliqué. Donc c'est ça. T'as Bowser qui est peut-être le last defender du Mushroom Kingdom, on sait jamais. Diantre. Mais non. Hein, quand on vous dit qu'à puissance maximale, hein, on va ailleurs. Là, surtout quand Diego est là. Sinon, on est un peu niaiseux de base, là, mais quand même. Non, j'avoue que théorie comme ça, c'est vraiment intéressant. Puis, Mario génocidaire, c'est bon ça, je prends ça en note. Puis en même temps, il y avait le Game Boy qui avait fêté son anniversaire il n'y a pas si longtemps que ça. Son 25e. Et vous saviez qu'il y avait un accessoire au Game Boy qui était le Game Boy Camera. Oui. Qui était une des premières webcams qui se faisait là, dans l'industrie, et une des plus petites. Mais saviez-vous que l'image de l'album Silver and Gold de l'artiste Neil Young, c'est en fait une photo prise avec un Game Boy Camera. Ah ouais? Wow. Ben, calvasse. Wow. Neil Young utilisait pour son album Art le Game Boy. Et la dernière, Mass Effect, parce que je sais que Julien est un fan de Mass Effect, et personnellement, quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça très drôle. Il y a un monstre qui s'appelle The Reaper. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ben, c'est pas mal les méchants de la série. Donc. Exactement. Mais le son qu'ils font, les Reapers, en fait... C'est une poubelle à l'épreuve des ours qui est ouverte et fermée. Nice! Quand on dit qu'on peut trouver, quand on veut faire ces effets sonores. Là. Et la source est une vidéo du making of du jeu où on les voit en train d'enregistrer le bruit de la poubelle. Nice! Tu sais, quand t'écoutes, dans Doom, j'imagine que peut-être tout le monde a joué à Doom ici, le son de la porte. Vous écoutez certains films et séries de science-fiction, ce son-là, on le retrouve dans plein de séries. Puis à chaque fois, je fais, il est où le Space Marine? Où est-ce qu'il va? Parce que, tu sais, il y a tellement de sons qui. J'imagine que, tu sais, quand t'es sur la direction sonore d'un jeu et tout, ça te tente pas nécessairement d'aller dans les banques de sons connues puis faire, bon, ben, on va encore mettre ce bruit de porte-là ou ce. Tu sais, t'essayes d'innover, tu vois, c'est une excellente façon d'enregistrer des poubelles. Il y a un seul bruit de porte style science-fiction. C'est vrai, c'est ça. À cette époque-là, il y avait juste un. C'est ça. Ben, ça doit être le bruit de Star Trek, en fait, à l'époque. Oui, c'est eux qui l'avaient développé. Et sinon, tu voulais une affaire de nouvelles, je pense que j'en ai un. Vas-y donc. Je sais pas du tout comment que ça va sonner. On fait un test. On fait un test, mesdames et messieurs. De puissance maximale. C'est scandaleux, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, une nouvelle vient de tomber. On vient tout juste de m'apprendre que la voix de Mario est aussi la voix de Partanax dans Skyrim. C'est dit, mesdames et messieurs, vous êtes informés à puissance maximale. Mais c'est vrai, effectivement, j'avais déjà vu la nouvelle, c'est Marie-Camille qui vient de me glisser ça au micro. Effectivement, c'est le même doubleur qui fait la voix de Mario dans les versions... It's me, Partanax! Non, c'est ça, rah! Mais c'est le même qui fait la voix de Partanax dans Skyrim, qui est le gros dragon là, qui devient ton guide spirituel, puis à un moment donné, les Blades font « Ah, va le tuer pareil! » Puis là, ben, tu tues les Blades. Wow, genre, dans ce genre-là, je l'aime bien Partanax, mais on peut pas le monter. Ça, c'est plate. Mais ça sert à rien, vous, dans Skyrim, de monter des dragons. Laissez faire ça. Bref, voilà. Monsieur Castegan, allons en nouvelles. Ubisoft a annoncé Far Cry 4. Oui. Et déjà, il est accusé de racisme. Déjà. Comme le veut la tradition. Et pourquoi? Parce que l'image montre un Indien de couleur foncée à genoux, en train d'avoir les mains à côté, avec un homme d'affaires avec des attraits un peu indiens, mais à la couleur blanche. Donc, les communautés raciales disent que ça encourage le racisme. Attends. Et comme de quoi que les ethnies ne devraient pas être traitées comme ça. Attends un peu, là, les communautés, là, on a certains comme, petits groupes. Là, on se souvient tout du psychodrame de Resident Evil 4, c'est que, oh mon Dieu, ils tirent des Noirs en Haïti. Non, c'est ça. L'action se passe là et ils sont des zombies. Le contexte n'est pas un massacre racial, mais de se défendre contre des zombies. En Haïti. En Haïti. C'est un beau clin d'œil parce que le mythe du zombie provient du vaudou haïtien, ouais. Donc c'est un beau clin d'œil. C'est ça, ça ils ont pas, je pense qu'ils l'ont pas pris. Même si ça n'a aucun rapport avec les zombies. Ça a été un beau petit codrame, ça. Je pense que ça ne fera pas encore puis, ça. Tout ça pour dire que le directeur créatif du jeu a fait un tweet pour dire. Avant que. On va être bien clair, là, avant que vous sautiez aux conclusions trop vite, là, l'homme d'affaires, d'un, il n'est pas blanc. C'est un Indien. Et le héros n'est pas le gars sur la pochette. Le héros va être, très forte chance, quelqu'un d'origine indienne. C'est ça. Puis donc, il va... on jouera pas un blanc. Si on suit à Far Cry 3, il risque d'être là pour aider du monde. Je lance ça comme ça. Mais celui sur la pochette du 3, c'est le... un des méchants. Ouais, là. C'est ça. Puis, en tout cas, bref. Puis, tout ça pour dire qu'il n'y a pas beaucoup d'informations qui ont été sorties sur le jeu. Ça devrait être un jeu qui va se dérouler pendant un milieu d'une guerre civile, près ou sur le massif de l'Himalaya. Ah, oh, ouais. Ouais. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Mais de toute façon, là, ouais, Far Cry 3, qui avait été un jeu quand même un assez bon jeu. J'avais bien aimé ça. J'ai décroché un peu parce que. Mais quand même, un bon shooter. Je trouvais ça plus intéressant un peu que ben des shooters qu'on a aujourd'hui, malgré le. Sempiternel côté collectionnons et ramassons des fruits. Et j'avais bien aimé le Blood Dragon, là, le spin-off qu'il avait fait. Là. Ça, ben, c'est pas un spin-off, c'était le même engin, le même design. 1980 rappelé vu son film de science-fiction. Là. Ah, c'est ça, j'aurais aimé ça. Moi. Je l'ai pas testé, peut-être, je l'essaye. C'est drôle, c'est sympathique, sans c'est plus, drôle. Mais c'est drôle. Monsieur Castegan, autre nouvelle. Nike Trap prépare son retour. Ben, je viens de voir Diego, c'est un connaisseur de ces classiques. En fait, il y a moi qui fait. Là, quoi? Le monde, il doit faire. Hein, c'est quoi ça, Nike Trap? Ben, pour votre culture geek, il s'agit d'un jeu qui est sorti en 1992 sur le Mega CD et plus tard sur PC 3DO, le 32X. Je vampire, je me souviens bien. Non. Non? Non, c'était un. Ben, c'est des personnages noirs, cagoulés, qu'on sait pas trop c'est quoi. Puis qui marchent d'une façon un peu bizarre. C'est mais... comme des vampires en pyjama. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'en fond, mes préférés. Nike Trap, ben, c'était un jeu qui utilisait le module CD, dans le fond, de la Genesis, où il y avait une vidéo avec des vrais acteurs et on devait switcher d'une caméra à une autre dans une caméra pour voir, dans le fond, ces genres de énergumènes un peu bizarres-là et les piéger avant qu'ils kidnappent tout le monde dans la maison. D'où Nike Trap. Et tout ça pour dire que. Les détenteurs des droits du jeu sont en train de dire qu'ils travaillent pour ramener le classique en version HD, mesdames et messieurs. Oh, OK, ils veulent pas refaire le jeu, juste le retravailler HD? Ben, en fait, reprendre le jeu, bon, puis refaire des séances vidéo de meilleure qualité, remettre un remake, dans le fond. Que ça reste le même jeu, mais que ça reste de meilleure qualité. Marc, j'ai eu peur, j'imagine, à l'époque, quand ils ont filmé les vraies scènes, j'imagine qu'il y avait un support, moindrement un bon support de base, ils peuvent aller vers une... Mais ça a été le mode avec les Sega CD, ça, les espèces de jeux live action. T'avais eu Sewer Shark, t'avais eu ça. Tomcat Alley, que j'ai joué comme un sauvage, parce que ça ressemblait à Top Gun, puis ce temps-là, c'était Top Gun! Ouais. Mais finalement, quand tu y repenses, c'était vraiment pas si bon que ça. Mais c'est pas vraiment un jeu en live action. C'est vraiment un film interactif. Ouais, ben ouais, c'est ça la grosse mode à cette époque-là, ouais. Quand Sega CD est sorti. Ben avec c'est les vidéo, oui. Les là, premiers Quick Time Event aussi. Là, ouais, un peu, ça, ouais, ouais. Puis honnêtement, je suis pas si nostalgique. Ah non, c'est ça, t'en vois ça aujourd'hui. Même, c'est quoi, c'était Dragon Lair? Ouais, ça, c'était pas en live, c'était en dessin animé. Mais ça, c'était bien foutu. Ouais, on parle Sewer Shark, Tomcat Alley et compagnie, là, ouf. Dragon Lair, c'était tough en salle. Les vampires étaient pas très crédibles, puis ce qui est le plus amusant, c'est que Sega a dû aller s'expliquer au Congrès américain pour ce jeu-là. Ah ouais. Parce que certaines congresswomen, des femmes représentantes du Sénat, étaient sur la base du synopsis et sans jamais avoir joué au jeu, ils décriaient ça parce que tu devais sauver cette fille ou c'est des ça, filles dans légèrement vêtu, je me souviens bien. Oui, un genre de pyjama, puis là, ils disaient que ça incitait au viol, puis toutes des affaires de ouais, bonheur. Ouais, mais il n'y a pas de viol là-dedans. C'est pas... Non, c'est déjà une espèce de vampire un peu bizarre. Ben, en fait, comment ils décrivent les personnages, c'est qu'ils disent que c'est des vampires armés de sacs à dos à la Ghostbuster avec une balayeuse puis qui ont de l'air comme de sucer quelque chose sur le cou des gens. Fait que dans le fond, c'est des genres de vampires technophiles. Ah, c'est ça. T'sais, au lieu de mordre, ils utilisent une balayeuse. Et voilà, ils ont leur propre version. Mais dans le fond, c'est peut-être pas des vampires, c'est peut-être des Ghostbusters qui font un exorcisme. Ah, peut-être. Qui sait, qui sait. Donc pour l'époque, c'était vraiment quelque chose de... qui a amené une certaine controverse. J'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont aller avec ça. Ils ont du budget, si je me fais une image de vampire, c'est une Dyson, la balayeuse qu'ils ont. Wow. Oh putain, ils ont vraiment beaucoup de... Ils ont du budget. C'est clair. Hey, Monsieur Castegan, écoute, ça va tellement vite. Là, je propose une courte pause musicale, cette fois-ci avec les gens de Epic Rap Battle of History, avec Elvis Presley versus Michael Jackson. Et après ça, on va revenir pour un dernier tour de table pour les dernières nouvelles ludiques et pour terminer l'émission. Donc, on va vous envoyer ça dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9. Allez, vie! Ooh, Elvis Presley, as I live and breathe, you stole rock and roll, gave us rockabilly. You dance like an epileptic, nothing but left feet. I've seen every record you set, man, I beat it. Piss a tip, don't swallow a bucket of drugs. So you bump down the toilet, drum hugs, a burning love. I'm bad, I'm a smooth criminal, with a face up. Call me ass in the bitch, shoot the runaway, stop. Watch me moonwalk and I step on your blue sway. Even in death, I go with no more Blu-ray. Spitting all hits and all don't give a crap, you ain't gonna have the badass battle rap that I have. I got a one for your monkey, a two for your clothes, three for your family, and a four for your nose. You better surrender, talk about them ABCs, cause all you wanna do is teach kids the birds and the bees. This is the big time jack on a dress rehearsal. I'll light you up like your hair in a Pepsi commercial. I can tell you're angry, but I can't comprehend it. I stole from black culture, why are you offended? Your daddy beat gold records out of you like alchemy. Don't make me spank you and dangle your ass off a roof balcony. Oh, it's about time for a thriller. Didn't lose any chocolate, I just added vanilla. I'm going on the wild, I won't stop till I get enough. Whooping your big fat ass with my sonic glove. How you gonna talk about the birds and bees when you met your own wife when she was only 14? And you made $1, she came to me. I took her to my Neverland ranch to keep me. You should've stayed in the army, dude. Come on, even Tina looks better than you. I'm singing, ah, you're singing, don't be cool. There's only one crown, baby, let the one king rule. You're a creeper, dude, you like to grab your own winger. I'm gonna let you marry my daughter cause I knew you'd never bang her. You think you're tough? Man, you look like Tootie. I was better than you in my Blue Hawaii movie. You lost your damn mom, that's why they cast you in the Wiz. Like a sad white woman who never got to be a kid. I'm out before you try to hold me and free your willy. Later, weirdo, Elvis is alive in the building. Ho war! Ho snacks! Unify! Salut, c'est Fred. Seb. Vous écoutez Puissance Maximale. Maximale. Il y a plein de mal. Et oui, de retour à Puissance Maximale après, encore une fois, le joueur du grenier. Je l'aime trop, cet indicatif. Ils ont fait un indicatif, ma foi, des plus... troublants. C'est grand n'importe quoi. Voilà. Monsieur Castegan, continuons et terminons cette émission en nouvelle ludique. Ben, tu veux que je commence par la grosse nouvelle ou la moins grosse nouvelle? La grosse. La grosse. Oh, YouTube oui. Propose de racheter Twitch. Pow! La grosse nouvelle est faite. On passe à autre chose. Et voilà, c'est fait. Donc, on vous rappelle que YouTube, ben, c'est un site Internet où vous pouvez regarder des vidéos. Si vous le saviez pas, ben, sortez de votre grotte. C'est ça. Puis Twitch, ben, c'est une plateforme de diffusion. De jeux vidéo en live stream. C'est pas mal ça. Il y a des tournois de StarCraft 2. Il y a des tournois de Dota. Il y a Twitch Play Pokémon où le monde ils disent up, bas ou go, droite, B, up. Puis après ça, tu regardes ça. Puis ça fait ça. Leur a pris quand même 2 semaines. Passer le jeu non-stop. Non, c'est malin. Non, mais ils ont quand même réussi à passer le jeu. En fait, c'est ça qui est le plus, ma foi, des plus troublants. Ils ont réussi quand même à passer le jeu. Mais. Que veux-tu, il y a du monde qui veut de l'ordre. Parce que tu pouvais. Il y avait un système de vote où, dans le fond, l'anarchie et l'ordre. Et si t'étais l'ordre, ben le monde, même s'il y en avait 42 qui mettaient une touche, ben il y en avait un à la fois qui était traité. Et voilà. Et c'était par vote populaire. Ah, c'est bon. Au moins quand il y a ça. Mais ils ont quand même passé le jeu majoritairement en mode anarchie. Mais Twitch, et c'est pas le service qu'utilise PlayStation, d'ailleurs, pour son PlayStation 4. Donc là, Google vient mettre la main. On rappelle que YouTube est une propriété de Google depuis un certain temps. Et mais là, ils vont venir mettre la main un peu là-dessus. Puis c'est une quand même une plateforme assez populaire. Combien qui t'a dit pour le rachat? Ça doit être des milliards parce que c'est un milliard de dollars. Bon, voilà. Tout ce qui se fait dans les transactions dans le monde vidéoludique ou technologique depuis le dernier mois. Là. Ça représenterait la plus grosse acquisition de l'histoire de YouTube. Ben, ouais, effectivement. Je me rappelle pas combien Google avait payé pour acheter YouTube. Puis, sûrement fucking cher. Je m'en rappelle plus, mais juste pour vous donner une idée de l'ampleur de Twitch, c'est un site qui reçoit 45 millions de visiteurs uniques par mois. C'est malade, c'est beaucoup de monde. Il y a plus de 5000 chaînes. T'as qu'imaginer la pub que vous pouvez vendre sur un site comme ça. Et en février dernier, il représentait 1,8% du trafic d'Internet aux États-Unis. C'est quand même pas mal. Je sais pas si... Non. J'ai vu des yeux se lever. Mais non, c'est quand même assez impressionnant. Puis là, on a Google qui vient encore ramener ses griffes là, pour avoir un autre site de diffusion. Moi, je me dis finalement, Skynet, ça va être Google qui va le créer. Premier Terminator, ça va être Google. Google ou Apple, là, ça va se battre. Mais là, à date, pour la ramification, on peut aller vers Google. Le premier système de contrôle cérébral, ça va être le Google Glass. C'est clair. On est fait, là. Les Terminators, ça s'en vient. Préparez-vous, mesdames et messieurs. Commencez à vous faire des bunkers. Achetez-vous des armes à feu illégales, et défendez vos familles. Fait que c'est qu'on est rendu au T1, T2, par rapport au T1000. On doit arriver au T1, là. On doit être avec, là. Ou le G1, on sait pas, avec Google, là. Qui sait? Donc, voilà, grosse nouvelle, une grosse transaction au niveau de l'Internet et de diffuseurs vidéo quand même assez connus. Ce sera à surveiller aussi au niveau le produit et la façon de fonctionner de Twitch va changer aussi. Parce qu'on sait qu'avec YouTube, depuis quelques mois déjà aussi, au niveau de la diffusion puis du contenu qui est possible, qu'on peut uploader au niveau des YouTubers, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, ce sera à surveiller également au niveau de Twitch. Monsieur Castegan, ta moyenne nouvelle, c'est quoi? Ben, c'est plus pour toi, là. OK, vas-y. Panique pas, Michael, le créateur... Non, tu vas pas me parler de Witcher. Ben oui. Ah, le cofondateur du studio CD Projekt nous assure que The Witcher 3 ne sera pas repoussé de nouveau. Phew. Parce qu'en fait, il y a eu une entrevue chez Eurogamer où là, le monde il disait « Ouais, mais là, vous avez repoussé le jeu, tout ça, putain. Est-ce que vous allez faire un watchdog de vous-même, repousser le jeu encore plus loin en disant qu'il ne répond pas à vos satisfactions de next-gen? » Et le créateur a répondu la chose suivante. « Nous avons pris la décision au moment où nous étions capables de juger de combien de temps il nous faudrait en plus. Nous avons vu juste et le délai supplémentaire nous suffit parfaitement. Il n'y aura pas de nouveau report. » Yeah! Donc, la prochaine date officielle annoncée du Witcher devrait être la date définitive. J'ai hâte. Ça va être j'ai vraiment hâte d'y jouer. On dirait que je suis plus excité pour ça que pour Watch Dogs. Parce que Watch Dogs, il y a plein de monde qui n'aime pas dire que ça va être de la chenoute finalement. Et d'ailleurs, le cofondateur tient à souligner les excellentes réactions des joueurs. Ça a été un peu leur peur quand ils ont annoncé un délai dans le jeu. Ils ont dit qu'ils ont reçu beaucoup de courriels, beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux pour dire « Félicitations les gars, vous avez des couilles de retarder le projet. » Puis de dire « Pourquoi? On est très content. » Quand tu retardes le projet pour les bonnes raisons, c'est correct aussi. Tu sais, on a Watch Dogs qui était repoussé quoi, deux fois? Ouais. Puis que là, de plus en plus, les rumeurs sortent puis disent que Buggy... Il va y avoir des bugs pas si intéressants. Ben, je laisse toujours la chance au coureur. J'ai hâte d'y jouer quand même. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler à la fin. Mais quand c'est pour les bonnes raisons, ça va. Ubisoft, je sais. J'ai bien de la misère à comprendre pourquoi ils l'ont repoussé autant que ça. Surtout qu'on a parlé, c'est la semaine passée, qu'on parlait des fameuses résolutions bizarres. Ouais, là. 900p à 30 frames par seconde, c'est la PlayStation 4. Ouais, puis 700... 790p pour la Xbox One. Puis là, eux autres, ils veulent garder le dynamisme. Là, on cherche encore c'est quoi le dynamisme. Mais c'est ça, nous, on a décidé de s'ancrer sur le dynamisme. C'est comme... Et pas sur les résolutions. Okay. Ben, content pour toi. On rappelle à Ubisoft qui sont en nouvelle génération de consoles. Ça sent le port d'un jeu qui était prêt pour PS3, Xbox 360, puis qui va se ramasser un petit peu upscalé. Et tu sais, je peux pas dire de nom, mais j'ai quand même une source interne. Travaille quand même assez proche du projet qui m'a dit Assassin's Creed 3, tu te rappelles des bugs? Je dis ouais, c'est possiblement pire. On verra bien. Et la raison des actionnaires qui poussent dans le derrière. Ouais, ben ça. On chiale bien contre l'industrie, mais tu sais, il faut toujours rappeler que c'est une business faire des jeux vidéo. On va faire de l'argent avec ça. Quand on retarde, ben il faut payer du monde pour. Tu sais, on continue à payer ces gens-là pour qu'ils travaillent sur les jeux. Fait que c'est des sous en plus qui sont investis dans des projets qui sont de plus en plus coûteux, doit-on le rappeler, puis on le dit. Ça fait quelques mois que j'en parle, comme pour l'industrie du cinéma, ces modèles d'affaires-là ne pourront pas durer éternellement. Il y a un gros studio qui va se péter la gueule à un moment donné avec un jeu, puis... Mais qui sait, c'est peut-être Watch Dogs qui sera le... Au cinéma, c'est Warner pas assez proche. Hein? Ouais. Ils ont retardé James Bond, pas parce qu'il était pas bon, le dernier, parce qu'il y avait plus d'argent pour le faire. C'est ça. Disney a vraiment les reins solides, parce que avec deux solides problèmes, c'est John Carter et le Lone Ranger. Ça leur a coûté des millions. Ils ont vraiment fait patate au cinéma. Donc, voilà. Là, on me glisse un papier, puis là, je comprends pas le référent. Donc, on s'en reparlera tantôt, Marie-Camille. Mais bref, ce sera à voir. J'espère effectivement que ça valait la peine de repousser Witcher 3. Voilà. Peut-être une dernière nouvelle, M. Castegan, avant la fin de cette émission, ma foi, des plus chargées. Mais il y aura un nouveau jeu de Dragon Ball prévu sur les consoles next-gen. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, ça. Quel type de jeu de Dragon Ball? Un jeu de combat, bien sûr. Le même jeu qu'ils font tous les semaines, Pinky. Exactement. C'est ça que j'allais dire. Il s'appellerait Dragon Ball New Project, qui se targuerait à être la révolution dans le jeu de baston de Dragon Ball qui serait l'entrée extraordinaire de la franchise dans la nouvelle génération de consoles. Parce qu'avec Naruto, ils ont fait un genre à eux tout seuls, je pense. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est quand t'aimes Dragon Ball, puis t'aimes le genre de... Ça se peut que t'aimes le genre de jeu de combat qu'ils font. Tu t'en achètes un, puis t'attends vers la fin de la vie de ta console pour avoir le plus récent, puis... tu devrais avoir à peu près le même jeu que les autres avant. Ça fait que tu te casses pas trop à la tête. Avec plus de persos. Mais faut vraiment sans farce, là, moi j'en ai un jeu de Dragon Ball chez nous, je l'aime, j'aime bien ça jouer dessus à l'occasion. Mais sans farce, là, faut vraiment, mais vraiment être fan de Dragon Ball pour vouloir jouer à des jeux comme ça. Puis une dernière nouvelle rapide, parce que je viens de tomber là-dessus. Oui. Tu te rappelles d'un site qui s'appelait All Out of Gum? Oui. Et qui après ça est devenu le site No Gum Needed? Ouais. Ben, il est devenu. Ben, en fait, le jeu, ça ne sera plus un jeu de Duke Nukem. 3D Realms ont perdu, malheureusement, leur point en cours. Mais qui n'était pas juste 3D Realms, il y avait aussi Interceptor Entertainment qui participait dans le projet. Le jeu va maintenant s'appeler Bombshell. Il va mettre en scène une fille de nom Shelley Bombshell Harrison. Pour arrêter ainsi la lutte contre Gearbox, qui disait « Vous n'avez pas le droit d'exploiter la franchise du Nukem, gang de Charles Russal. » Et ils se sont rendus compte que ça coûtait moins cher de changer le sprite de Duke Nukem pour un autre bonhomme. J'avoue. Et tout simplement, ils exploitaient le jeu qu'ils ont travaillé dessus avec un autre bonhomme. Bon, ben, on pourrait quand même jouer au jeu, au moins, je me dis ça. Puis juste, vous imaginez Duke Nukem à la place du sprite qu'ils vont avoir mis, c'est tout. Puis il devrait avoir plus de détails lors du E3. Voilà. Et mesdames et messieurs, il est maintenant temps de finir cette émission-là, mais une dernière nouvelle qui vient de tomber. On vient d'apprendre tout juste qu'il y aura un mini Warp Zone ce vendredi au Petit Impérial de Québec. Ça vient d'être envoyé sur le site de La Planque, nos amis de La Planque à Québec. Donc, c'est envoyé. On vient de voir ça passer. Donc, mini Warp Zone ce vendredi à 18h au Petit Impérial de Québec. Donc, amateurs de rétro gaming, c'est un rendez-vous. C'est dans le cadre du Pixel Challenge 2014. Donc, un petit 7$ à l'entrée. Et vous allez avoir une super ambiance avec du rétro gaming à fond. Puis, ben, on aime beaucoup les gens de La Planque. Vous allez voir, vous allez vraiment, vraiment beaucoup vous amuser. Donc, c'est un rendez-vous ce vendredi. Donc, c'est maintenant véritablement la fin de Puissance Maximale. Mon nom est Mickaël Michaud, votre animateur. Toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeux. Je tiens à remercier M. Pierre-Luc Pelletier de nous avoir fait sa chronique sécurité informatique des vieux pays, là-bas en France. Merci beaucoup, Pierre-Luc, d'avoir participé. Je veux remercier M. Diego Lamana qui est passé exceptionnellement en studio pour nous parler de deux documentaires que je vais aller voir rapidement cette semaine. Vu que je suis au chômage, je vais en profiter. Donc, merci beaucoup, Diego, d'être passé. Plaisir. M. Julien Matin, merci d'être passé pour nous avoir parlé de Deadpool et de comic book. Merci. Et merci beaucoup à M. Andrew Castagan à la console. Merci d'être là chaque semaine. Toujours un plaisir. J'ai pas de vie, mais c'est toujours un plaisir de faire l'émission. OK, bon, j'ai une vie. J'ai trop de vie. Ah, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, on va dire ça. Je me fais juger par des gens en studio quand je dis que j'ai pas de vie. Et voilà, et on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, www.puissancemaximale.com. Allez écouter toutes nos anciennes émissions, podcasts et autres entrevues. On vous invite également à vous inscrire dans le sens où pèser sur le bouton j'aime de notre page Facebook Puissance Maximale dans la barre de recherche et vous allez nous trouver très facilement, appuyer sur le bouton j'aime. Comme ça, vous allez pouvoir participer au concours qui s'en vient pour la semaine prochaine. Dès demain, suivez les photos qui seront mises sur la page Facebook de Puissance Maximale et suivez les instructions. Vous allez trouver ça très facile, ça va très bien se faire. Partagez et vous pourrez gagner un petit sac de goodies de la part de notre ami Pink Vivi. Et je termine cette émission enfin en vous disant de passer une excellente semaine de jeu. It's the ending, warriors who terrify. It's the ending, virgins till the day we one, two, three, four, die. Bonne semaine.